Just record. Amen. Amen. The reason why I live in church is no longer, it's as if it's no longer here on earth. Der Grund, weshalb es so aussieht, ob es keine lebendige Gemeinde mehr hier auf Erden gibt. La raison laquelle il semble qu'il n'y a plus des églises vivantes. Everything occupied by religion. Alles ist umgeben von Religion. Parce que tout est est pris par à travers la religion. And I'm beginning to understand the more reason why only 8 people were saved in the old world. Und ich verstehe immer mehr, weshalb nur 8 Leute gerettet worden sind in der alten Welt. Et maintenant, je comprends encore de plus pourquoi il y avait seulement 8 personnes qui étaient sauvées dans le monde ancien. In 2 Peter, look at it, it's in 2 Peter. 2. Petrus. On va lire ça à 2 Pierre. From verse 5. 2. Petrus. 2 Pierre. 2 Peter. From verse 2 Peter 2, verse 5. 2 Pierre, chapitre 2, verset 5. Praise the Lord. Hallelujah. He said, you know, and spare not the old world. He said, the Lord did not spare the old world. Der Herr the old world. Hat die alte Welt nicht verschont. Dieu n'a pas, il n'a pas épargné le monde, l'ancien monde. He's talking about the old world. Es geht die alte Welt. We are in another world today. Wir sind jetzt in einer anderen Welt. Amen. Non, on ne parlait pas de maintenant. Maintenant, on est dans notre monde. Amen. But save Noah, the 8th person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world. Of the ungodly. Is somebody getting it? Only 8 people were saved in the old world. Nur 8 Leute wurden errettet in der alten Welt. Il y avait que 8 personnes qui étaient sauvées dans le monde ancien. I don't know how many people were there. Ich weiß nicht, wie viele Leute auf der Erde waren zu dem Zeitpunkt. Je ne sais pas combien de personnes étaient But I know there were very many. Ici, sur Terre. Aber ich weiß, dass es viele waren. Mais je sais qu'il y avait beaucoup de personnes. It is like the world today. Es ist wie die Welt heute. Amen. C'est comme le monde aujourd'hui. You can see how many people are in the world today. Du kannst sehen, wie viele Leute auf der Welt sind heute. Tu peux voir combien de personnes il y a dans ce monde. Here he's saying only 8 people were saved. Er sagt, nur 8 Leute wurden gerettet. Il a dit qu'il y a seulement 8 personnes qui étaient sauvées. Are you getting it? Mm-hmm. And that is why, you know, when I think of it, I can see the reason why only 8 people. When I see what is going on in the church, in churches today, how people's neck are so stiff that they don't even want to, they hate repentance and they don't want even to repent. Wenn ich die Verhärtung der Herzen sehe, verstehe ich, weshalb es nur 8 Leute sind, weshalb so wenige Leute Buße tun wollten. Quand je vois l'endurcissement de cœur des gens, là je suis capable à comprendre pourquoi il y a beaucoup, un peu de gens qui sont capables à se repentir. And in verse 6, he talks about the 2 cities, Sodom and Gomorrah. Und Vers 6 spricht über die 2 Städte, Sodom und Gomorrah. Dans le verset 6, il parle des 2 cités, Sodom et Gomorrah. Amen. How many people will be in 2 cities? Amen. Wie viele Leute gibt es in 2 Städten? But I know that there are many also. Aber es werden auch viele sein. Et, il y aura beaucoup de personnes. And turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemn them with an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly. Example to those that will not want to repent and turn to Christ. Ein Beispiel für die, die nicht Buße tun wollen und zu Christus zurückgehen möchten. Sie werden zerstört. Les gens qui ne veulent pas faire se repentir et seront détruits. He said they will be destroyed like those people of Sodom and Gomorrah. Sie werden zerstört wie diese Leute von Sodom und Gomorrah. Ici, c'est un passage nous dit qu'ils seront détruits comme les gens à Sodom et Gomorrah. Verse 7. And deliver just Lot. Deliver. Are you getting it? Deliver just Lot. Verse with the filthy conversation of the wicked. For the righteous man dwelling among them In seeing and hearing vex his righteous soul from day to day with their unlawful deeds. Praise the Lord. Hallelujah. He did not join them. Amen, though he was there. Er hat sie nicht unterstützt, er war nicht Teil von ihnen, obwohl er bei ihnen war. Ici on voit qu'il ne les avait pas réjouis, mais malgré il était un d'eux. But it cost him his wife. Es hat ihn seine Frau gekostet. Mais ça l'a coûté sa femme. Amen. On parle de Lot ici. His wife was became as a pillar of salt. Seine Frau ist zur Salzsäule erstarrt. Sa femme était devenue du sel parce qu'elle ne voulait pas obéir. Elle a été détruite. No wonder he is always telling you get out of them. Warum dass er uns immer wieder sagt, wir sollen aus ihnen rausgehen? Et c'est pour cela on doit pas être surpris quand il nous dit toujours de sortir de là où on est. And even along the line, we know what happened to Lot and the children. They became like them. Where they left, where the Lord destroyed, they slept with their father. Two of them. Und wir sehen das auch bei seinen Kindern, dass seine Kinder. Yeah, you allow your children to go. How many times have I said it? Und I want to put full stop on it today. Und wir haben auch gesehen, dass seine. I'm tired of complaining. Wir haben auch gesehen, dass wir haben auch genau, bei den Kindern von Lot, dass, weil sie halt aus dieser Stadt kamen, hat diese Stadt sie halt natürlich auch beeinflusst in ihrem Denken und ihrem Handeln. Und deswegen haben sie auch dann später sogar mit ihrem Vater geschlafen, ihn betrunken gemacht und dann mit ihm geschlafen, weil sie halt einfach diese Gesinnung des Teufels hatten, die sie einfach durch diese Stadt bekommen haben, in der sie einfach aufgewachsen sind. On voit aussi que la famille de Lot, les filles de Lot, ils venaient aussi de Sodome et Gomorrhe et on voit comment ils étaient, leur tête était vraiment polluée, ils étaient vraiment charnels, qu'ils ont même, après que le Seigneur les a sauvés, ils ont même couché avec leur père. Donc, ça te, pour nous faire voir que les mentalités de Sodome et Gomorrhe c'était vraiment entré dans eux, pour nous dire aussi qu'on doit vraiment faire attention où on permet que nos enfants puissent être. Praise the Lord. Amen. Before we start, because our message is going to be also those to run from. Unsere Botschaft just like on Wednesday. Wird auch darüber handeln, welche Leute wir vor welchen Leuten wir fliehen sollen, genauso wie wir am Mittwoch auch darüber gesprochen haben. Notre message aujourd'hui, ça sera que comme le mercredi passé, quand on a parlé de personnes qu'on doit éviter. Before we start, I thank those of you that are radical for Christ. Und bevor wir anfangen, wollte ich nochmal den Leuten danken, die radikal sind für die radikal sind für Christus. Avant de commencer avec le message, je voulais d'abord vous remercier vous qui êtes radical en Jésus-Christ, qui vous qui ont choisi d'être radical en Jésus-Christ. It's not that we don't make mistakes, but we are very fast to repent. Natürlich machen wir Fehler, wir tun schnell Buße. Es braucht keine Wochen und Monate, um Buße zu tun. Il ne s'agit pas de ne pas faire des fautes. C'est pas que nous on fait pas des fautes ici, mais il s'agit seulement de se repentir. Comment on se repentit vite? C'est pas que on a besoin des années ou des mois, mais quelquefois c'est seulement des heures qu'on a besoin pour se repentir et on est directement. And because we don't need to prove any revelation that is coming from Christ. You know, proving. You know, so I sometimes tell you go and prove it. Just tell you to go and prove it, not to say if it is lie or true. To help you so that the Lord will help you to digest it and accept it. That is the proving you prove. Und if you are able to accept it and to get it. Und die Offenbarung von Jesus Christus stellen wir nicht in Frage. Wir prüfen sie in dem Sinne, dass wir zulassen, dass der Heilige Geist uns diese nochmal veranschaulicht und zeigt, wie wir das umsetzen sollen, was er gesprochen hat, was er gesagt hat. Wie sollen wir damit umgehen? Wie, dass es zu unserer eigenen persönlichen Offenbarung wird. Et comme je vous dis, par exemple, comme quand il est écrit dans la Bible de partir examiner. La parole, c'est que je vous dis, selon la Bible, ça ne signifie pas que je vous dis de s'en douter de ça, mais je vous dis de partir avec ce que je vous dis, de vous examiner vous-même. Est-ce que vous êtes capable d'accepter la vérité et d'agir ainsi? You know, when Jesus spoke, you know, replied to John the Baptist in prison. You know, I thank the Lord for John the Baptist that he will not say, I'm going to prove it. Ich danke auch if I'm to believe what Jesus said or not. Are you getting it? Ich danke auch Gott, dass Johannes der Täufer, als er diese Botschaft von Jesus bekommen hat, was Jesus zu ihm gesagt hat, dass er nicht gesagt hat, dass ich erstmal prüfen muss, ob das wirklich von Gott kommt, ob das wirklich wahrhaftig ist oder eine Lüge ist, sondern er hat direkt erkannt durch den Heiligen Geist, dass das die Wahrheit ist und dass er sich dieser Wahrheit beugen muss. Par exemple, quand je remercie aussi Dieu pour le Jean-Baptiste, quand Dieu lui a dit, quand le quand Jésus-Christ lui a parlé, lui, il n'a pas dit que je veux d'abord partir ou bien y penser ou bien examiner si tu as raison, mais il a accepté la vérité de Jésus-Christ. I thank those of you that are radical for Jesus. Ich danke denen, die radikal sind für Jesus. Je remercie à ceux qui, d'entre vous parmi vous qui sont radical en Jésus-Christ. It's not radical for me, for man. Nicht radikal für Menschen, nicht radikal für mich, sondern radikal für Jesus Christus. Il ne s'agit pas d'être radical pour moi ou bien pour les êtres humains. Il s'agit d'être radical pour Jésus-Christ. Just like Peter, Paul. You know, Paul was going from prison to prison. You know, it did not make him. It did not make him to be offended. Genauso wie Paulus, dass er von Gefängnis zu Gefängnis gegangen ist. Und es hat ihn, das war, er hat keinen Anstoß genommen. Why can't he not save me from just prison to prison? Er hat nicht gefragt, wieso kann er mich nicht retten von Gefängnis zu Gefängnis. Tout comme Paul. Paul, par exemple, il était parti de prison à prison. Et lui, il n'était pas en train de se plaindre. Il n'a pas dit que, mais pourquoi Dieu n'est pas capable de me sauver au lieu de partir de prison en prison. Il ne s'est pas demandé ça. Peter left all. Auch Petrus hat alles verlassen. So also. Until you are able to leave all, you are not there. In der Lage sind, alles zu verlassen, sind wir da. Comme tout comme Pierre, il a été capable à tout laisser derrière lui. Et si on n'est pas radical comme lui, on n'est pas capable de laisser tout derrière nous, on peut pas le suivre. I don't know if you can still remember when we talked about the radicals. That's in Matthew 11. You know. Is it verse 12? He said, the kingdom of heaven suffer violence, and violence take it by force. Wir haben sehr oft über das Thema radikal sein in Christus und in Matthäus 11, wo steht, dass dem Königreich Gottes wird Gewalt angetan, die Gewalt reißt es an sich, dass wir jetzt die Radikalen radikal sein müssen in Christus. On a parlé du thème être radical en Jésus-Christ, en Matthieu, on a lu que le royaume des cieux appartient aux violents. Aux violents, il dit, ce sont les gens qui sont vraiment radicaux en Jésus-Christ, qui prend son royaume vraiment très au sérieux et qui sont capables de tracer des lignes. And in Luke 14, Lucas 14, verse 26. 26. You know, it talks about radical here. Geht's auch um das radikal sein? Et en Luc aussi, il parle aussi d'être radical. Luke 14. You know, we have read it several times. Wir haben es schon oft gelesen. On les a lu plusieurs fois. And people will say, I know it. Do you know it enough to obey? Aber Menschen sagen, sie wissen es schon. Ich kenne das schon, aber kennen wir das schon oder versuchen wir nur, das zu kennen? Les gens sont en train de dire qu'on connaît déjà la vérité, on connaît ces passages, on a aussi lu, mais est-ce que tu connais ça vraiment? Est-ce que tu es capable de vivre selon cette vérité que tu as connue? Obey Christ. Obeying his voice is very, very important. Christus gehorchen, seiner Stimme gehorchen, ist sehr, sehr wichtig. Obéir Jésus-Christ et sa parole, c'est vraiment important. Obeying the truth is how you clean your soul. Der Wahrheit gehorchen, so reinigen wir unsere Seele. Obéir la vérité, c'est comme ça qu'on purifie notre âme. Obeying the truth. Put something here. Go to 1 Peter 1. 1 Petrus 1. On va d'abord lire 1 Pierre 1. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Peter 1. 1 Pierre 1. Verse 22. 22. Verset 22. He says, "See, you have purified your soul in obeying the truth." Are you there, please? You purify, you clean your soul. Wir reinigen unsere Seele. On purifie notre âme. How you renew your soul? Because if you are born again, it's your spirit that is perfect. But your soul needs salvation. And how you renew it is by obeying the truth. Wenn wir wiedergeboren sind, ist unser Geist errettet und heilig und vollkommen. Aber unsere Seele braucht Errettung. Unsere Seele muss erneuert werden mit der Wahrheit, muss gereinigt werden durch die Wahrheit und nicht durch nicht Lügen. Ce qu'elle dit, on a lu ça en Pierre 1, 22. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être, votre âme, en fait d'être sincèrement les frères et sœurs âmes. Frères et sœurs. Mm. Donc c'est comme ça qu'on est, on doit purifier notre âme. Look at it, said in obeying the truth. True, how? He's talking about how. Through the Spirit, unto unfeigned love of the brethren, see that you love one another with pure heart fervently. Mm. You love your brothers and sisters in Christ Jesus. Ihr liebt and not the flesh. Eure Geschwister in Christus Jesus, und nicht im Fleisch. Et puis il nous montre aussi comment le faire. C'est quand tu es capable de aimer tes frères et sœurs, et être un avec eux, pur avec eux, un et pur avec eux. Praise the Lord. Alléluia. Let's go back to Luke 14. Lucas 14. Luke 14. You know, from verse 26, it says, if any man come to me and hate not his father and mother, you know, who is speaking here is Jesus Christ. A lot of us we want to bend it. Aber to suit us. Wollen das so verbiegen, damit das unseren Lebenswandel passt. Zu unserem Lebenswandel passt. Ici, c'est vérité. Ici, on voit que il y a d'entre quelques personnes parmi nous, entre nous, on veut toujours le modifier comme nous on veut le comprendre cette vérité. If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. Ici à Luc 14, 26, si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. C'est écrit ici à la Bible. He's talking about disciple. Es geht die Jünger, manchmal die Söhne. Ici il parle des disciples, il ne parle même pas d'être un fils. Remember, to be a son is greater than to be a disciple. Erinnert euch, dass die Sohnschaft größer ist als die Jüngerschaft. Mais si on se rappelle, on sait, on connaît la vérité, on voit que être un fils, c'est encore plus grand qu'être un disciple. If you can say this concerning the disciples, how much more the son? Wenn er das sagen kann zu den Jüngern, wie viel sagt er das zu den Söhnen? Et s'il est capable de dire ces histoires ici, ce qu'il a dit ici à un disciple, combien de plus il va dire ça à un fils? Donc tu dois être, quand tu dis que tu es un fils, tu dois être capable à renoncer tout 100%. It must be 100% Christ. Es muss 100% Christus sein. Ça doit être 100% Jésus-Christ. It's not 50%. It's nicht not 50% oder 90%, sondern 100%. C'est pas 50 ou 90%, c'est vraiment 100%. He said you cannot serve God and mammon. Du kannst nicht Gott und den Mammon dienen. Et tu peux pas travailler pour Dieu et pour le Mammon. We always want to live in between. Wir wollen immer it's not Christ 100%, it's not Satan 100%. It's not the flesh 100%. Zwischen den Stühlen leben, nicht 100% bei Christus sein, aber auch nicht 100% zum Satan gehören, zum mais Fleisch nous, gehören. On dit qu'on est des enfants de Dieu, mais on n'est pas prêt à être là 100% pour Jésus-Christ. On veut être au milieu, à la moitié pour, dans ce monde, la moitié pour Jésus-Christ. C'est pas 100%. I thank you all for those that have chosen to hate all. Ich danke euch für die Leute, die sich entschieden haben, alles zu hassen. Je remercie à tous ceux qui ont décidé de hate the flesh. Tout, die das zu Fleisch hassen und Christus wählen. Qui ont décidé de détester la chair et de choisir Jésus-Christ. I will call names like Tania, for example. Und ich werde auch Namen nennen, wie beispielsweise Tania. Je veux même citer les noms, par exemple Tania. Amen. Amen. So I also are those of you that have also started, like Mercy, Jennifer, Osazer, Felix. You know, Giver. You know, you can just see the, you know how they take decision. It's so radical. Und wir sehen einfach, wie diese Leute sich entscheiden, so für Jesus entscheiden und Amen. Den Gegenwind sozusagen auf sich nehmen, das zulassen, dass es brenzlig wird, dass es gefährlich wird, dass man vor einer Klippe steht und alles verlieren könnte. Et tous ces noms là que j'ai cités, ce sont des gens qui m'ont vraiment fait voir qui sont prêts à faire à prendre des décisions radicales pour Jésus-Christ, même si ça coûtait n'importe quoi pour Jésus-Christ, ils ont décidé d'être radical. Abraham have to be radical for God. Abraham musste radikal sein für Gott. It cannot, it doesn't work that way. Weil sonst hätte er seinen Sohn nicht geopfert. Er hätte es nicht übers Herz bringen können. And he could have not been able to leave the country where he was born. You know, the family. He has to leave all and he never celebrate anything with them any longer. Er hat auch sein Vaterland verlassen. Selbst das hätte er ohne Christus nicht packen können. Comme on voit comme radical, on voit comme la radicalité d'Abraham par exemple quand son père quand Dieu lui a dit que tu vas quitter là d'où tu viens, il n'est jamais retourné là-bas, il n'a pas fêté quelques fêtes avec eux, il n'est pas parti là, il n'est jamais parti en arrière pour avoir une unité avec eux, donc il a radicalement tout quitté. You know, Paul was always worried about the people. Paulus hat sich immer Sorge gemacht über die Leute, zu denen er geprägt hat. Die Familie von Christus. He was so worried. Hat sich immer Sorgen gemacht um diese Leute. Si on voit on lit bien dans la Bible, on va voir que Paul, il avait la peine dans son cœur. Il disait, il avait pitié pour les gens à qui il prêchait la parole de Dieu. Il était toujours en train de penser à eux. You know, he never write to them and said, have you have the house? Have you have the car? But always, are you seeing in the truth? Mm-hmm. Are you getting it? Are you seeing in the truth? Or have you allowed Satan to bewitch you, to deceive you? Mm-hmm. Or have you allowed religion to take you out? Mm-hmm. Are you getting it? No. Und er hat immer wieder gefragt, ey, was geht's? Das ist mein Fehler, Louis. Wie geht's euch mit eurem Glauben? Geht's euch gut? Ne? Seid ihr in der Wahrheit? Hört ihr vom Heiligen Geist oder lasst ihr euch beirren von irgendwelchen Geistern? Er hat dich gefragt, und wie sieht's eigentlich aus? Ist dein Haus zu Ende gebaut? Hast du endlich das Auto, was du schon immer haben wolltest? Und wie sieht's immer mit deiner Ehe aus? Habt ihr endlich die 5 Kinder, die ihr immer haben wollt? Er hat nicht Fleischliches gefragt. Er hat sich um Fleischliches Sorgen gemacht. Er hat sich um das Geistliche Sorgen gemacht im Leben der Kinder Gottes. On voit aussi Pierre ici dans la Bible. Il s'est vraiment soucié de ses frères et sœurs en Christ, mais il n'a jamais demandé, il s'est jamais demandé, mais comment vous allez, comment est-ce que vous avez votre maison, vous avez une nouvelle voiture, vous avez de l'argent. Non, il s'est toujours soucié de leur relation en esprit avec leur Dieu. Il les a toujours prêchés, toujours encouragés à continuer avec la relation qu'ils avaient avec Dieu. Please let all of us learn to correct one another and very fast. At the beginning, immediately somebody is going wrong, correct that person. If you see two people embracing one another and one is not cooperating, and he's not there, and he's not choosing Christ, you don't need to go to who they are embracing. Speak to that person that is doing the wrong thing. Bitte lernt mutig. It is about Christ and not about the flesh. Lernt bitte mutig und ohne Angst und falschen Respekt, Leute auf das Falsche, was sie sagen oder tun, anzusprechen und sie zu belehren. Ne? Dass wenn wir sehen, dass etwas nicht richtig läuft zwischen Geschwistern, dass wir das direkt benennen, dass wir direkt den Hund beim Namen nennen, dass wir direkt zu der Person gehen, die sich im Fleisch verhält und ihr dann sagen, ey, du bist besser als das, du bist ein Kind Gottes, verhalte dich dementsprechend. Und dass wir halt auch nicht nur zu den Opfern dann halt gehen, zu den Leuten gehen, die dann halt vielleicht schlecht behandelt worden sind oder die keine Ahnung was, sondern auch zu der Person gehen, von dem halt diese falsche Tat kommt und die Person belehren, weil wir diese Person natürlich auch lieben und nicht wollen, dass diese Person so bleibt. Mm. Par exemple, on doit vraiment apprendre à être si vite dans l'esprit et on doit apprendre à s'encourager en esprit et à dire la vérité. Par exemple, si tu vois que deux sœurs ou deux frères ou un frère et une sœur ne s'embrassent pas bien et tu vois qu'un d'entre eux était dans la chair et l'autre était dans l'esprit, toi, tu dois apprendre à être vite, à être en esprit pour corriger la personne qui a été dans la chair et dire directement, écoute, j'ai vu que tu étais dans la chair, toi tu es mieux que ça, toi tu es un enfant de Dieu, donc tu dois être resté dans, la, dans, dans l'esprit et pas partir, par exemple, chez, chez la personne qui était en esprit ou bien qui a été, quand, quand l'a fait du mal pour lui rappeler, pour lui dire que oui, j'ai pitié de toi, j'ai vu ça aussi, mais il faut partir chez la personne, il faut être... comment on dit, sincère aussi et à être courageux à se reprocher l'un à l'autre. Learn to correct things immediately. Learn direct zu belehren. Apprends directement à corriger. It's like a little tree. If a little tree is bent, you know that tree, you can straighten it when it's little. When it becomes a tree, you cannot even bend it. Weil wenn dieser Baum anwächst und falsch wächst, kann man ihn immer noch schnell verbiegen. Aber wenn er schon ein riesiger Baum ist, dann wird er dich verbiegen. Er wird dir die Worte im Mund verdrehen. Er wird dich zurechtweisen mit dem Bösen. Deswegen muss man schon von vornherein Klartext reden. Und, c'est comme un petit arbre. Quand tu as un petit arbre qui est encore penché, là tu as encore le temps à lui mettre à sa place, à lui arranger, qu'il puisse continuer à être tout droit. Mais si tu le laisses comme ça, tu ne dis rien. Cet arbre-là qui a été penché, quand ça va devenir encore plus grand, c'est cet arbre-là qui va commencer à te causer des problèmes. Hein? C'est pas que tu n'auras même plus la force ou bien la chance ou bien la possibilité d'arranger encore cet arbre. Donc, et on arrange ça à travers la parole de Dieu. You know, it's how people see children today. There's no small spirit. Once it comes to Christ's word, there's no little baby. Spirit is spirit. That is why... In Old Testament, God will say, kill all of them, even the children, the baby, the suckling, destroy them. Because the spirit, there is no baby spirit, there is no adult spirit. Es gibt keinen Säuglingsgeist und es gibt keinen Erwachsenengeist, sondern Geist ist Geist. Und deswegen hat auch der Herr im Alten Testament auf dieses Gericht gesprochen, dass dieses Urteil gesprochen, dass ein ganzes Volk ausgelöscht werden soll, dass selbst ihre Tiere, die Kinder, alles soll ausgelöscht werden, weil alles ist Fleisch und alles ist, der Geist des Satans ist in der Lage, durch all diese Dinge zu wirken. Und deswegen muss all das ausgelöscht werden, unabhängig von seiner Größe oder seinem Alter. Il y a des gens qui se disent aussi, oui, mais ça c'est un petit enfant, c'est un petit arbre, c'est un petit enfant. Mais on doit comprendre que dans le royaume des cieux, il n'y a pas un esprit de petit ou un grand esprit. Dans le royaume des dieux, tout esprit est esprit. Il n'y a pas un esprit mineur, quelque chose comme ça. C'est pour cela aussi, même dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, détruis tout, même les petits nés qui sont nés de nouveau, même les petits enfants, même si les petits bébés, tu dois les détruire aussi. Parce que Dieu voyait aussi, là, il voulait aussi nous faire voir qu'un esprit, même si c'était un petit enfant, c'était un esprit. Et il n'y a pas de... et même le diable est aussi capable de travailler dans un petit... dans l'esprit d'un petit enfant. Parce que le monde spirituel n'a pas d'âge. You know, those that love evil, they always see things little, a little sin. Why are you backtribing? Why are you, why are you seeing it big? Just a little sin. Stop seeing things little. Aber die Leute, die das Böse mögen oder das Böse tolerieren, werden das Böse immer wieder klein sprechen und es verharmlosen und natürlich auch die Leute anprangern, die Dinge dann halt ernster nehmen und sagen, dass diese Menschen halt dann halt übertreiben und Dinge zu groß sehen oder zu viel Lärm um diese kleinen Sachen machen. On va lire ça à Galates 5. Il y a aussi beaucoup de gens qui disent aussi que oui, mais nous, on est toujours en train de... Vous êtes en train d'exagérer. Vous exagérez. C'est pas tout qu'on doit voir ça comme ça. Il n'y a pas tout qu'on doit voir ça radical. On va le lire ici à Galates 5, 9. Galates 5, vers 9. Amen. It said a little leaven. Leaveneth the whole law. A little sin, a little mistake, a little malice. Are you getting it? A little unforgiveness, a little action. You are making a big deal out of it. Yes, because a little living leavened the whole dough. Ein kleines bisschen Stachelei, ein kleines bisschen Eifersucht, ein kleines bisschen Leute ignorieren oder bösartige Worte sprechen, dass man denkt, das ist klein, aber es ist etwas, was größer, was heranwachsen kann. Und deswegen muss man es direkt entwurzeln, muss diese Wurzel direkt abtreiben, direkt zerstören. mit der Wahrheit, sonst wird es heranwachsen und größer werden. Und die Leute, die im Geist sind, sehen natürlich, dass kleine Dinge größer werden. Aber die Menschen, die im Fleisch sind, lassen sich von der Größe einer Sache direkt beirren und denken, das ist harmlos. Ça, ce verset ici, Galates 5, 9, c'est surtout pour les gens qui sont en train de penser que oui, on exagère ou bien c'était seulement une petite dispute, elle était seulement un peu jalouse. Donc les petits qu'on veut dire, là, ici il est écrit, il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte. Donc ça signifie le petit là, quand on voit quelquefois, si tu es en esprit, tu dois apprendre à le déraciner directement. Parce que si tu ne le déracines pas, ça peut aussi grandir, ça peut avoir, ça peut devenir comme un monstre en fait, ça peut commencer à avaler toutes les histoires. Donc ce petit là, il n'y a pas de petit, on doit directement apprendre à le déraciner. You know, Jesus also talk about little leaven in, something little in, you know, Matthew 13. Let's go to Matthew 13. Matthäus 14. On va lire à Matthieu 14. Matthieu 13, verset 33. Matthieu 13, verset 33. It said, another parable speak he unto them. The kingdom of heaven is like unto leaven. You see there? 33. Matthieu 13. Matthieu 13, 33. Matthieu 13, verset 33, ici aussi il dit. Another parable speak he unto them. The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took and hid in three measures of meal, till the whole was leaven. And you understand it? It's different from the other side. This one is talking about the truth. It's mind, it's like the prayer we pray, the prayer request we always make, and we pray. We might see, you know, some I will see that. Is it so little? The prayer of salvation that you pray might be so little. That's what he's talking about. The kingdom of heaven is like unto a leaven, which a woman took. But that prayer is not little. It's Christ himself. Genauso wie auch dieses, das Errettungsgebet. Das ist vielleicht ein kleines Gebet. Vielleicht fünf Minuten. Und für natürliche Menschen ist es wie Dummheit, es ist wie Nichtigkeit, weil es so schnell geht und man auf einmal jetzt lebendig ist, obwohl man vorher noch tot war, in der letzten Sekunde noch tot war. Aber so ist es halt mit diesem, in dem Königreich Gottes. Ici, on voit ici, un autre parabole, Jésus-Christ dit que le royaume des cieux ressemble à un levain qu'une femme a pris pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine et à la fin, toute la pâte a été levée. C'est comme si on demande des prières. Quelquefois, on demande des prières, ça nous semble des petites choses. C'est aussi comme ici, ça nous fait voir que le royaume des cieux aussi, pour le monde, ils vont dire que c'était une petite chose, c'est une petite blague, il ne prend pas au sérieux. Mais c'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est comme ça qu'il décrit même aussi son propre royaume. Please learn to correct immediately. You see things are not going well. Lernt bitte schnell zu belehren, wenn ihr seht, dass Dinge nicht gut laufen, nicht richtig laufen, nicht in Christus laufen. Not in Christ's word. Things are not moving in Christ's direction. Where you know the difference between, you know, the flesh and the spirit. If it is not of the spirit, you go straight and correct it. And stop dodging it or, you know, being afraid of somebody you are going to correct. Don't be afraid of anybody. Christ told us who to be afraid of. He said, himself alone. Christus sagt uns, wir sollen vor niemanden Angst haben, außer vor ihm allein, vor Gott allein, der nicht nur das Fleisch töten kann, sondern auch den Geist für immer in die Hölle schicken kann. Und deswegen sollen wir halt auch die Wahrheit sprechen und belehren in der Minute, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn man vielleicht als Spielverderber dasteht, dass man dennoch belehrt, um die Person einfach auch zu retten. Et c'est pour cela on voit que c'est vraiment important qu'on doit apprendre à directement se corriger l'un à l'autre à cause de la vérité. On doit pas avoir peur parce que on doit avoir peur de personne. C'est la Bible qui dit ça. On doit seulement avoir craindre Dieu, mais avoir peur de personne. Et c'est ça qu'on doit aussi. Ça doit être notre attitude. You know, like what we are discussing now, amen. You know, I've thought of it, even if we are to even record it and even send it out, that people, other people can listen to it. But the Lord said yes. He said because Paul did not even hide anything. He had to bring everything. Those he rebuked. He rebuked them openly. So that others, it's not about a person. It's about the kingdom of heaven. So that others will learn. And take to correction. Und ich habe auch den Heiligen Geist gefragt, soll ich diese Predigt, weil sie ja eher spezifisch auf unsere Gemeinde jetzt zutrifft, soll ich sie dennoch halt hochladen und auch für die anderen Leute dann zur Verfügung stellen? Und er hat gesagt, tu das, weil es geht nicht darum, dass es geht nicht um die Menschen hier, sondern es geht um das Königreich Gottes, um alle Kinder Gottes, die einfach diese Belehrung, diese Zurechtweisung auch brauchen und die halt einfach... dass es einfach für jeden geht und nicht nur für eine Person gilt diese Botschaft. Amen. Et si, je me suis même demandé pour ce message que je veux que je donne aujourd'hui, je me suis demandé est-ce qu'on doit vraiment l'enregistrer et donner aussi, faire voir aussi, faire attendre autres personnes. Et le Saint-Esprit qui lui a dit que oui, même si toi tu penses que c'est personnel de votre église, il s'agit de votre église, mais c'est un truc que tous les enfants de Dieu doivent savoir et comprendre et comprendre comment se comporter. Praise the Lord. Hallelujah. I have thought about it a lot and said, how are people going to, you know, those that listen to it outside, how are they going to see even the ministry? He said, it should not be how they are going to see the ministry, it's how they are going to see him. It's not about the ministry, it's about Jesus Christ. But you cannot separate the ministry from Jesus Christ. Wie sollen denn die Leute, die das von außerhalb hören, damit umgehen? Wie werden die das einordnen können, was in der Gemeinde vorgeht oder nicht vorgeht? Aber es geht halt nicht um Menschen, es geht um Christus selbst. Und wir sollen diese Gemeinde nicht von Christus trennen, dass alles, was hier vorgeht, zur Verherrlichung von Jesus Christus dient. Und deswegen soll es halt auch offengelegt werden, damit jeder dazu Zugang hat und davon lernen kann. Ce qui m'a donné... J'avais même, je me demandais comment le prêcher, comment le dire et comment les gens de l'extérieur vont commencer à voir notre église, ils vont commencer à peut-être à penser mal de nous. Et l'Éternel qui m'a dit que non, il s'agit de ce qu'ils pensent de moi. Si c'est même bien que les gens puissent écouter et puissent savoir comment se positionner dans une église ou dans... Comment voir Jésus-Christ, parce qu'on ne peut pas séparer l'Église et Jésus-Christ. Donc, nous sommes, c'est un fondament. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If they are in the Spirit, whoever is listening to our message, if they are in the Spirit, they will even understand. Except they are in the flesh. You know, those that are full of religion. Amen. Those that are full of religion, it will even confuse them all. Wer auch immer im Geist ist, wird das auch verstehen. That's how Christ always confused them. Wer auch immer im Geist ist, wird es auch verstehen und wird auch davon was mitnehmen können, was lernen können und wird das aber Leute, die in der Religion sind, die werden das nicht verstehen können, das wird sie verwirren oder und Leute, die halt nach Fehlern suchen, werden genug Fehler finden, um sich daran zu bereichern und den Teufel damit zu verherrlichen, statt Christus. Ja, aussi, je me suis l'Éternel m'a aussi expliqué que ce que je veux prêcher, ce que je prêche ici à l'église. Si tu es dans l'esprit, tu vas comprendre, tu vas totalement nous comprendre. Mais si tu es dans dans la chair, tu vas pas le comprendre. Là, tu n'es pas capable à le comprendre. Tu vas te sentir offensé. Praise the Lord. Hallelujah. We record all and send them out. Churches pretending that everything is perfect. You know, they might be perfect in the flesh. Amen. Because they are deceiving themselves. You know, people, you know, it's like when people pray, once you are gathered in the name of the natural family, you are gathered in the flesh and you are gathered in Satan. And you are even deceiving yourself. You know you are deceiving yourself. Und, except you are gathered in the name of Christ. That is the true gathering. Wir stellen diese Sachen online und machen sie erhältlich, damit auch, wie gesagt, jeder davon lernen kann. Und es bringt nichts, wenn man eine gute oder eine perfekte Gemeinde vorheuchelt, wie das religiöse Gemeinden machen. Das ist, von außen sieht es perfekt aus. Niemand, da ist kein Streit, da ist kein Zwietracht, da ist keine Spaltung, alles gut. Aber wenn man dann halt reingeht, ist alles halt tot und alles zerspalten. Und das bringt niemandem was. Ne? Das belehrt niemanden, das hilft niemandem. Und genauso ist es auch, wenn wir uns halt mit unserer fleischlichen Familie versammeln, die nicht Christus hat, dann müssen wir uns wirklich fragen, okay, in welchem Namen versammeln wir uns hier? Weil wenn wir nicht im Namen von Jesus Christus uns versammeln, sind wir im Namen des Fleisches versammelt. Und das heißt, im Namen des Satans sind wir dann versammelt, weil Christus halt nicht dort der Kopf ist dieser Versammlung. Mm. C'est pour vous dire aussi que nous ici, quand on fait, nous sommes ouvertes et tout ce qui nous concerne, on est en train de l'exposer, on l'enregistre et puis on l'envoie aussi aux personnes. Ils sachent la vérité. Nous ne sommes pas comme des églises des religieuses qui semblent être parfaites à l'extérieur, que quand tu pars là-bas, tu dis, ah, cette harmonie, vraiment, c'est bien. Mais ça, c'est un semblant parce que ils sont dans la chair, ils sont unis, mais dans l'esprit, ils ne sont pas unis. Donc, et nous, c'est pas la même. On préfère d'exposer l'esprit qu'être unis dans la chair. Et c'est comme aussi, comme les gens s'unissent au nom de la famille, par exemple, c'est quand... Ce sont les gens qui s'unissent dans le nom du diable. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Paul did not write correcting people. He did not hide correcting people. And speaking about what was happening. The mind be good or bad. It is going to help other people. Und auch Paulus, wenn wir uns seine Briefe angucken, er hat diese Sachen, die diese Leute gemacht haben, direkt beim Namen genannt. Er hat gesagt, jemand hat die Frau seines Vaters oder irgendjemand streitet sich immer noch. Er hat die Sachen angesprochen, hat sich nicht dafür geschämt, dass, obwohl er dort die Wahrheit verkündet hat, und er geht und Leute immer noch Sinnlosigkeit treiben. Sondern er hat es direkt angesprochen, gesagt, ihr müsst da rauskommen. Er hat sie belehrt, öffentlich belehrt, in diesen Briefen belehrt, von denen wir heute sogar noch was lernen können. Und das ist ja auch ein Beispiel dafür, dass diese öffentliche Belehrung zum Guten dient, zum Christus dient und nicht zur Demütigung oder zur, keine Ahnung, was dient. C'est comme aussi Paul, quand il a vu dans les églises à Corinthe ou dans toutes les églises qu'il écrivait aussi ses lettres, quand il voyait que quelque chose ne marchait pas, il écrivait ça et il les a données jusqu'à maintenant, même dans la Bible, c'est écrit pour que nous, aujourd'hui, on puisse voir ce qui ne marchait pas, ce qui, quelle faute ils ont fait et pour y apprendre. Donc, c'est qu'on est en train de quand on se corrige l'un à l'autre, on doit le faire aussi ouvertement pour que autres personnes sachent aussi ou apprennent aussi la vérité. If you look at our ministry, everything we are passing through here, you also pass through it. Wenn wir uns die Gemeinde von Paulus anschauen, alles das, was wir hier durchmachen, hat er auch gesehen und auch durchgemacht. Et si on voit même dans la Bible avec l'histoire de Paul, tout ce qu'il a vu, il a eu subir ou bien sentir avec autres églises, c'est tout ce qu'on est aussi en train de voir aujourd'hui dans ces jours ici, dans nos églises. Because the Lord brought me to this very place and said, you know, because I've been saying I'm tired of, you know, people refusing to repent and just allow it to be Christ alone. How many message, how many preaching are people going to hear before they can change? Then the Lord said, what way are you passing through? You know, the period of the ministry of Paul also passed through it. Let's go to First Peter 5. Und ich habe auch zum Herrn gesagt, dass ich es satt habe, einfach immer wieder das Gefühl zu haben, einen Schritt nach vorne und zwei Schritte zurück zu machen, weil die Leute halt dass die Wahrheit nicht annehmen wollen, nicht nach der Wahrheit leben wollen und sich immer noch dagegen wehren und sträuben. Und der hat mir dann mal gesagt, dass der Dienst von Paulus auch diese Sachen durchgemacht hat und dass er diese Sachen auch gesehen hat. Moi, je suis partie chez Dieu, vers Dieu. Je lui ai dit que je suis fatiguée d'avoir l'impression que on fait un pas en avance avec un pas et puis on fait cinq pas en arrière. Et je lui ai dit ça, que je suis fatiguée, j'ai l'impression que ça ne marche pas comme ça. Et Dieu m'a dit, il m'a montré un Pierre 5, et il m'a dit que c'est la même chose que Pierre aussi était en train de voir dans les églises qu'il était en train de prêcher. From verse 5 to 10. 5 bis 10. 1 Pierre 5, 5 à 10. He said, likewise, you younger, submit yourself unto the elder. Ye all of you be subject one to another and be clothed with humility. Somebody saw something here. He said, be clothed with humility, to humble kleidet, yourself. Mit Demut. Amen. And not full of pride. Und nicht voll mit Stolz sein. Self. Oder voll mit dem Selbstsein. Et il a dit que, il nous dit, essayez-vous tout dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux. Donc, on doit se humilier et pas avoir d'orgueil, d'être orgueilleux. He said, for God resists the proud and give a grace to the humble. Can you see it? Mm. God himself, Christ, fights against those that are proud. Mm. Those that are full of themselves. Christus kämpft gegen die, die voll sind von sich selbst. Ici, on voit que Dieu est en train de, Dieu est en train de s'opposer aux orgueilleux, les gens qui aiment le soi, le soi-même est vraiment trop gros dans leur vie. Those that will not accept whatever on all the gifts of the Spirit. Die Gaben des Geistes nicht akzeptieren wollen. Ceux qui ne veulent pas, accepter les dons de l'Esprit. They want to pick and choose what they desire, what they want. Want to believe. Entscheiden, was. To believe everything coming from the Holy Spirit. Was sie sich, was sie glauben vom all Heiligen Geist und was nicht. Aber including wir müssen speaking in tongues. Wir müssen ihnen im Ganzen vertrauen. Wir müssen ihnen im Ganzen, müssen alles von ihnen annehmen. Il veut qu'on puisse être capable à tout prendre de lui et pas de choisir ce qu'on veut écouter et de rejeter autre chose et aussi inclut le parler en langue. Besonders praise das the Lord. In Fremdzungen sprechen. Amen. Yes, yes. Yes, you can say it. I said it. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 6, humble yourself therefore under the mighty hand of God. Vers 6. That he may exalt you in due time. Humble yourself. Demütigt euch. Accept everything that Christ has for you. Alles, was Christus don't pick and choose what you want, what you want sucht to believe, what aus. You want to do. That is not Christ. Sucht euch nicht aus, the religion, yes, you pick and choose. Mm. Well, once it comes to Christ's word, there is no picking and choosing. Mm. That's why Moses was called the meekest man on earth. Because if God says you are stupid, you are still stupid. And you accept it. If you say you are good, you believe it. If you say you are this, whatever is coming from him, you humble yourself and say, yes, sir. Thank you, Jesus. Und, and I'm fighting him. Bei der Religion ist es normal, weil die Religion ja ein menschengemachtes System ist, sucht man sich dann natürlich das aus, was einem passt. Genauso wie, dass man nur die Serien sich anguckt, die einem gefallen. Oder dass man nur das einkauft, was einem gefällt. Also, beim menschengemachten System geht es immer um deine Präferenz, was dir gut tut, was du akzeptieren kannst. So ist es auch in der Religion. So wird es auch in der Religion umgesetzt, dass der Mensch dann die Möglichkeit hat, das von Gott anzunehmen, was ihm passt und was ihm nicht gefällt bei Gott. Das lehnt er für sich dann ab. Und so erschafft er sich sozusagen seinen eigenen Gott und seinen eigenen Glauben. Aber im Königreich Gottes ist das nicht so. Da müssen wir ihn im Ganzen annehmen und nicht uns Teile und Stücke von ihm aussuchen, die uns passen. Verset 6, tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment fixé par lui. Et c'est, il dit ici, on doit être humble, se soumettre totalement à ce que lui dit et à sa vérité. Et ce n'est pas comme dans les églises religieuses que tu dis que ça je vais accepter, ça je ne veux pas accepter, ça je veux suivre, ça je ne veux pas suivre. Parce que ça c'est la religion, que c'est l'être humain devient lui-même l'auteur de sa propre vie, de sa propre religion. C'est lui-même qui fait les histoires selon ce que lui pense. Mais dans la vérité, il nous dit ici, on doit se soumettre aussi humblement à sa vérité. Verse 7, it says, casting all your care upon him, for he careth for you. Amen. Verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is as a roaring lion, walking about seeking whom he may devour. Yeah, definitely. Verse 9, who resists steadfast in the faith, knowing that the same affliction and accomplished in your brethren that are in the world. Praise the Lord. Hallelujah. Even here, you know, if there's a living church here on earth, like this ministry today, they are going to be suffering the same thing. Und, no different. Hier steht auch ganz klar, dass, because the truth of Jesus Christ is so tough today. In jeder anderen lebendigen Gemeinde, wie unsere, werden sie die gleiche Art von Verfolgung, Bedrängnis und Konfrontation halt haben, weil einfach das Licht, weil der Teufel einfach ein brüllender Löwe ist, der halt sucht und verschlingen möchte. Ici nous dit aussi verset 8, faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Et ici aussi, il parle, c'est comme tout, comme dans d'autres églises aussi vivantes. Quand on est dans une église vivante et qu'on est en train de prêcher la vérité, c'est le diable qui est en train de rôder autour de nous, qui veut nous dévorer. Et on doit vraiment être radical et choisir Jésus-Christ, en fait, de ne pas lui donner la possibilité d'entrer. Praise the Lord. Amen. Then verse 10, by the God of all grace. 10. Verset 10. Who have called us unto his eternal glory. By Christ Jesus, after that you have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We thank him for his grace. Wir danken ihm für seine Gnade. On lui remercie pour sa grâce. Amen. Amen. Our humility is of Christ. Unsere Demut ist von Christus. Notre humilité est de Jésus-Christ. Amen. Amen. Just like our boldness is of Christ. Genauso wie unser Mut von Christus kommt. Et tout comme notre courage vient de Jésus-Christ. Amen. Amen. It's not I'm always boast. Even before I became a child of God, I've been so boast. So bold. Amen. Yeah. Our boldness must be of the Holy Ghost. Holy Ghost boldness. Unser Mut muss vom Heiligen Geist kommen. Es muss der Mut des Heiligen Geistes sein. Notre courage, ça doit être le courage du Saint-Esprit. Et pas que, oui, quand j'étais même dans la chair, j'étais toujours courageux. Non, on doit même laisser le courage de la chair à part et avoir seulement le courage du Saint-Esprit. Es darf nicht sein, das darf nicht aus unserer, nach dem Motto, ich war schon vorher jemand, der immer sehr mutig war und der sehr neugierig war. Und deswegen ist es einfach, bin ich einfach so. Nein, das muss alles dem Heiligen Geist zugeschrieben sein. Das gleiche geht auch für die Demut. Et la même chose est aussi considérée pour l'humiliation. Tu ne peux pas dire que j'étais toujours humble, c'est pour cela dans la, je suis aussi en Christ, je suis aussi humble. Non, l'humiliation de la chair aussi, on ne veut pas. Tu dois vraiment tout renouveler à travers la vérité. Praise the Lord. Amen. Also, if I say prove the message, you know, I said it before and I'll say it again. Or whatever I tell you that is coming from Christ. I'm not saying prove it if it is right or wrong. Wenn ich euch etwas sage, eine Offenbarung euch gebe und sage, geht und prüft das, sage ich nicht, geht und prüft das, um zu gucken, ob es richtig oder falsch ist. Quand par exemple je vous dis une révélation et je vous dis de le prouver ou bien de le, comment on appelle, examiner, je ne dis pas que examiner, c'est que je dis si c'est vrai ou faux. Je dis que examiner si vous êtes capable de le croire. I'm saying allow the Holy Spirit to help you to digest it, to understand it. Mit prüfen meine ich, dass ihr zulassen sollt, dass der Heilige Geist euch das, das Verständnis dafür gibt, dass ihr das verdauen könnt, damit es halt zu eurer eigenen Offenbarung wird. So that it can be there for you. You cannot become your own revelation. Damit es deine revelation from you are no longer from man. Offenbarung or from anywhere. It's not from, it's not a heading from him, but it's not directly mine. Damit es from nicht mehr ist. Mommy hat mir vom Heiligen Geist gesagt, dass es so und so ist und dass es ist. Der Heilige Geist hat mir persönlich gesagt, dass es so und so ist. Das meine ich mit prüfen, weil ich würde es mir niemals anmaßen, euch etwas von Gott zu geben, was nicht von Gott ist. Deswegen macht es keinen Sinn zu sagen, geh und prüfe, ob es von Gott kommt. C'est tout comme quand je dis, par exemple, de vérifier ce que je vous dis. Ce n'est pas que je vous dis de le vérifier si c'est vrai ou faux. Je vous dis de vérifier de fin que le Saint-Esprit puisse faire de ce que je vous ai dit une révélation. Que vous puissiez dire que c'est Dieu qui me l'a dit et pas que c'est maman qui a dit ça, mais c'est lui qui me l'a dit. Que vous pouvez être, pour être sûr que vous avez digéré ça. Praise the Lord. On va lire à Galates 1. Amen. Amen. Also prove yourself if you can even accept it. Na, und prüft euch selbst auch, ob ihr das akzeptieren könnt und prüft auch eure erste Reaktion if dazu. If your heart is ready euer to accept Herz it. Dazu eingestellt it's not prove it if it is right or wrong. Und nicht prüfen, ob es falsch oder richtig ist. Quand je dis vérifie ça, c'est pas, je ne dis pas de vérifier si c'est vrai ou faux, mais je dis que il faut vérifier si tu es capable de te soumettre à cette vérité. Look at Galatians 1:20. Look at what Paul said here. He said, now the things which I write unto you, behold, before God I lie not. Praise the Lord. Amen. And the same thing I'm saying in this ministry. Und das gleiche sage ich auch in dieser Gemeinde, dass ich nicht lüge. Amen. Amen. Whatever, you know, I don't have anything on my own. Denn ich habe keine Offenbarung von mir selbst. Ici, on voit que Galates 1, Paul qui dit, Dieu m'est témoin que je ne mens pas et vous écris, en vous écrivant cela. C'est la même chose que je suis ici en train de vous dire dans cette église. Tout ce que je dis, ça vient du Saint-Esprit. C'est pas moi qui vous dis quelque chose pour vous, pour mentir ou bien pour vous confondre. And in John 4, Jesus said, we know who we serve. We know, you know, you know, you cannot even, a lot deceive themselves. They deceive themselves. They are not even faithful to themselves. Und they lie to themselves. Viele Leute belügen sich selbst. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se mentir eux-mêmes. Praise the Lord. Amen. Jesus said, we know who we serve. Jesus said, I know who. Who is in charge of here? It's Christ Jesus. Ich weiß, wem ich diene. Ich weiß, wem dieser Laden hier gehört. Jésus-Christ hat gesagt, Jésus-Christ a dit que je sais qui est en train de servir. Donc, il sait, tout comme maman dit, qu'elle sait que la personne qui est chargée de cette église, c'est Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas elle. Praise the Lord. Amen. I thought of repeating almost all the message on Wednesday. I noticed that you learned it also yesterday in Bible studies. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Amen. So we will not go much into it. Amen. But today's topic is still those to run from. Amen. Aber heute geht es dennoch nochmal um das Thema, vor welchen Menschen wir fliehen sollen. Je veux pas totalement répéter ce que j'avais dit mercredi, mais je veux répéter ce qui concerne les gens que vous devrez éviter. You know, in 1 Corinthians 5, you were also there yesterday. I heard when Felix measured it. Amen. Wir waren auch erst from verse 9 to the end. 5. You can see what Paul said there. He said, are we there, please? Si on part à 1 Corinthians 5, on va lire 1 Corinthians 5. Praise the Lord. He says something very important there. Mm-hmm. He said he did not tell us to run away from even unbelievers. Not to have anything to do with unbelievers. The believers, those that call themselves believers, that better pick and choose. Aber es geht um what they desire. What suit them. And not what sich Christ wants them to choose. Aus dem Evangelium rausnehmen, was ihnen passt, was in ihr Leben passt, was in ihre Mentalität passt. Mm-hmm. Ici, on voit ici 1 Corinthiens 5, on va lire, il a dit ici 9, il a dit quelque chose de très important, il a dit que et il ne faut même pas éviter les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ ou bien qui ne croient pas en Dieu. Il a dit d'éviter les personnes qui s'appellent eux-mêmes les enfants de Dieu, mais ils ont une fausse doctrine. He said, if I tell you to run away from unbelievers, it means I'm telling you to leave this world entirely. Mm. Amen. So just leave here completely. Wenn er sagt, wenn ich euch sagen würde, ihr sollt Ungläubige komplett meiden, dann müsst ihr ja aus dieser Welt raus. Weil ihr seid ja immer mit ihnen irgendwie in Berührung, in Kontakt. Parce qu'il dit que si je vous disais d'éviter les gens qui ne croient pas en moi, ça signifie que c'est comme s'il voulait nous dire de quitter tout ce monde ici, parce que le monde ici est plein de ces gens. Même nos collègues ne croient pas aussi en Jésus-Christ. Donc c'est comme s'il voulait nous dire de quitter le monde terrestre. Mais il ne va jamais nous dire ça. Il veut qu'on puisse être ici. He said, those I want you, I'm commanding you. It's a command. Commanding you to run from. Are those that you know that refuse to submit, the cadres are believers, but they refuse to submit to Christ. They refuse to submit totally to the Holy Spirit. Es geht halt um die sich halt weigern, sich dem Heiligen Geist vollkommen hinzugeben. weil sie sich schon festgesetzt haben, dem, was sie glauben, was sie nicht glauben, über den Heiligen Geist. Il a dit qu'il faut éviter les gens, il veut dire que vous devrez éviter les gens qui s'appellent des enfants de Dieu et qui se sont fait de la vérité. Ils ont pris seulement quelque chose qu'ils veulent croire, ceux qui ne veulent pas croire, ils ne croient pas, qui ont fait leur propre vérité. Ce sont les gens qui sont plus dangereux. Let us go to 2 Thessalonians. 2 Thessalonica. On va lire 2 Thessaloniciens. 2 Thessalonians 3, verse 6. 2 Thessalonica 3, verse 6. 2 Thessaloniciens 3, verset 6. Praise the Lord. He said, now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw yourself from every brother that walketh disorderly. Is somebody getting something here? Amen. It is a command. It's an, not to have a relationship with people that never and don't want to surrender, submit to Christ. Dass sich Christus nicht vollkommen hingeben möchten. Deux Thessaloniciens 3, 6, il nous dit, nous vous recommandons, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à l'écart de tout frère ou de toute sœur qui mène une vie déréglée et contraire à l'enseignement que nous lui avons transmis. Et ici, il a dit ça vraiment, il nous a dit ça clairement, c'est une recommandation, c'est pas je vous dis de le faire, ça serait bien si vous le faisiez. Il a dit que c'était un ordre qu'il nous a donné ici. You know, I don't care how many people that are going to remain here. Mir ist egal, wie viele Leute noch in der Gemeinde bleiben werden am Ende des Tages. Moi, ça m'importe pas combien de personnes vont rester ici. What I care for is Christ is here. Mir ist wichtig, dass Christus hier ist und es um Christus allein geht. I want to see the truth everywhere. Ich will die Wahrheit überall sehen. La seule chose que moi je veux voir est que la vérité de Jésus-Christ et Jésus-Christ puisse être ici. S'il y a beaucoup de gens qui sont en train de partir d'ici, bon, partez même, mais moi, l'important c'est que d'avoir la vérité ici. He said, now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw yourself from every brother that walketh disorderly and not after the tradition which he received of us. Not after the truth, after the spirit, after Christ. Nicht nach der Wahrheit, nach dem Geist von Jesus Christus. Il a dit, les frères et sœurs qui mènent une vie déréglée et contraire à l'enseignement que nous lui avons transmis. Verse 7, you talked about how they themselves, they are always of the spirit. Look at it. For yourself. For yourself know how you ought to follow us. For we behave not ourselves disorderly among you. It means that we are always in the spirit. Tu vas même guy. Ça signifie qu'ils étaient toujours dans l'esprit. Praise the Lord. Praise Jesus. Amen. In Romans 16, he said we should be foolish. You know, he said we should be wise and we should be simple. Simple, you know that what this world called foolish, what this world called nobody to the things of this world. Go to Romans 16. In Römer 16 gebietet er uns einst, schlau zu sein, weise zu sein, aber auf der anderen Seite auch dumm zu sein, naiv zu sein. Wir müssen halt zulassen, dass wir halt weise, was die Wahrheit angeht, aber dumm sind, was diese Welt angeht und unmündige sind. Na? Also halt Kinder sind, was diese Welt angeht. Weil sonst werden wir halt immer die Bibel lesen, aber die Bibel wird uns nicht lesen. On va lire Romains 16, 17 à 18. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 17 and 18. He said, now I beseech you, brethren, mark them which cause division and offenses contrary to the doctrine which you have heard and avoid them. Is somebody getting it? This is so difficult to understand. Il nous dit ici. Amen. Why do we keep on tolerating and tolerating and tolerating? Weshalb tolerieren wir und tolerieren wir und tolerieren wir? Verset 17, je vous engage incessamment, chers frères et sœurs, à prendre garde à ceux qui sèment la division et égarent les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux. Donc, pourquoi on est en train de continuer à tolérer beaucoup de choses qui sont contraires à verset 17? Praise the Lord! He said, now I beseech you, brethren, mark them, notice them. Are you God? He said, not them, not these people, which cause divisions and offenses, contrary to the doctrine which you have learned, and avoid them. Praise the Lord. Amen. For they, verse 18. Verse 18. For they that are such, serve not the Lord Jesus Christ, but their own belly. And by good works and fair speeches, deceive the heart of the simple. Oh, you know they can speak very well. Sie können gut reden, sind gute Redner. They deceive the heart of the people, of the simple. Aber sie verführen die Herzen der Arglosen. Car les gens de cette sorte ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur ventre. Avec leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils séduisent ceux qui ne discernent pas le mal. Amen. They are full of the knowledge of religion. Ils sont voll von der Weisheit von Religion, aber nicht von der Weisheit der Wahrheit. Ils sont vraiment toujours avec la religion dans leur tête, dans leur cœur, mais pas la vérité. Non, pas la vérité en fait. You cannot miss religion and Christ. It must be Christ alone. Du kannst Religion und Christus nicht vermischen. Es muss Christus allein sein. Tu ne peux pas, mélanger la religion et la vérité de Jésus-Christ. Ça doit seulement être ou Jésus-Christ ou le diable. Even if the Holy Spirit speaks through you, does not mean you are even safe. Und you can speak through animal. Wenn der Heilige Geist durch Menschen spricht. Heißt das nicht, dass dieser Mensch, dass diese Person errettet ist, weil er kann auch durch Tiere sprechen. Juste le fait que une personne que le Saint-Esprit parle à travers une personne, ça signifie pas que la personne est aussi sauvée, parce que il était aussi capable de parler à travers un animal. You know, if people have problems and they refuse to come out and it becomes so big in their life and it's not direct in their life. You know, the root, you know, I have been thinking that the problem here has been about the fruit, not knowing it's even the root. Ich habe lange gedacht, dass das Problem hier über die Frucht ist, aber ich habe verstanden, dass das Problem die Wurzel der Dinge ist. Ja, on doit comprendre que quand on a un petit problème, au lieu qu'on puisse attendre jusqu'à ce que le petit problème devienne une grande chose et à la fin, ça commence on commence à voir les fruits qui sont un peu mal. On doit faire attention parce que moi, quelquefois, je pensais qu'il s'agissait d'un petit fruit qui n'est pas bien ou je me suis fracassée de ma tête pour demander à l'Éternel c'est quoi le fruit, c'est quoi le problème. Mais j'ai bien maintenant compris que c'est la racine qui était déjà mal et le fruit, c'était seulement, oui, le fruit d'une mauvaise racine. He said, run away from those that will not allow the Holy Spirit to direct them. Il a dit d'éviter les gens qui sont en train de qui ne veulent pas les gens tu dois éviter les gens qui ne veulent pas que tu puisses parler en langue par exemple parce que c'est pas la vérité en fait. You know why you always say run away from them. He knows that once you keep on moving with them, it's a matter of time you are going to be like them. Und weshalb sagt er, dass wir sie meiden sollen? Er sagt es zu unserem eigenen Schutz, weil er weiß, dass umso mehr wir uns das anhören, umso mehr werden wir irgendwann das glauben. L'Éternel dit qu'on doit fuir de ces personnes. Pourquoi il dit ça? Il dit ça parce que quand tu continues à être une personne avec ces gens-là qui te disent la moitié des vérités, tu vas commencer à écouter, et tu vas commencer même à les croire et tu vas aussi commencer à agir ainsi comme eux. Tu vas devenir un d'eux, sans le savoir même. Remember, Lord's children. Dort, wo sie auferzogen worden sind. Rappelle-toi les enfants de Lot. Où est-ce qu'ils ont été? Où est-ce qu'ils ont grandi? The Bible said, evil communication corrupt good manners. Es hat einen Stempel in ihrem Leben hinterlassen. Und die Bibel sagt auch ganz klar, dass der schlechte Umgang gute Sitten verdirbt. Ça les a mis un cachet où ils ont grandi à Sodome et Gomorre, et ce Sodome et Gomorre a été une cache dans leur, c'était une marque dans leur vie, ça les a marqués dans leur vie, parce que même après ils ont continué à vivre cette vie démoniaque. You know, praise the Lord. Look at what Paul said in 1 Corinthians 14. 1 Corinthians 14. On va lire 1 Corinthiens 14. 18. Susie, can you help us? 1 Corinthiens 14, verset 18. Ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Amen. Mm-hmm. I thank my God that I speak in tongues more than all of you. Je remercie Dieu que ce que je suis, que je parle en langue inconnue plus que vous tous. En verset 39. 39. Jennifer, can you help us to read it? Maintenant. Also ihr Brüder, strebt danach zu weissagen und das Reden in Sprachen verhindert nicht. En résumé, mes frères et sœurs, cherchez ardemment à prophétiser et de nous et ne vous opposez pas à ceux qu'on parle en des langues inconnues. Wherefore, brethren, convert to prophesy and forbid not to speak with tongues. Then in verse 14. Verset 14 maintenant. Amen. Who will help us to read verse 14? Vers 14. Jennifer again, please. Vers 14. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet auch mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. For if I pray in an unknown tongue, my spirit prayed, but my understanding is unfruitful. Though I cannot understand it in my natural mind, that it is my spirit. I am to believe it, that it's my spirit that is praying. Ich muss glauben, just as I believe that I'm saved. Der betet, will somebody get it? Wie ich, why will I forbid something? You know? How will I forbid to my spirit, the part of me that is 100% Christ, to stop praying? Ich muss glauben, dass mein Name wirklich im Buch des Lebens steht und dass ich errettet bin durch Jesus Christus. Obwohl das für die Welt absurd klingt. Und genauso muss ich auch glauben, dass diese Laute, die ich von mir gebe, dass sie von meinem Geist kommen und dass sie eine Bedeutung haben, eine himmlische Bedeutung haben, obwohl es für die Welt absurd klingt. Ici, verset 14, on dit, car si je prie en langue inconnue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'intervient pas. C'est comme si maintenant, là, tu sais que tu es sauvé, que que ton nom est écrit dans le livre de vie. Et là, tu y crois, malgré que tu n'as pas vu ça. Mais comment tu ne veux pas croire que, quand tu parles en langue, que c'est ton esprit qui est en train de communiquer avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ lui-même? Pourquoi tu ne veux pas le croire? Praise the Lord. He said, forbid not to speak in tongues. It is a command. Verbietet nicht, in fremden Zungen zu sprechen. Das ist ein Gebot. Il a dit qu'on ne doit jamais... On ne doit jamais ne pas vouloir parler en langue. Ça, c'est un commandement. It is Christ's doctrine to speak with tongues. C'est la lecture de Christ en fremde zone zu beten. De parler en langue, c'est une doctrine du Saint-Esprit, de Jésus-Christ lui-même. Mark 16. Marc 16. Marc 16. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, if you are young here and you don't understand it, I will understand. Wenn du hier in der Gemeinde noch jung bist und das noch nicht verstehst, dann kann ich das auch nachvollziehen. Aber nicht, wenn wir nach Jahren das immer noch halt durchkommen. C'est que je dis ici, si tu es nouveau dans cette église et que tu ne comprends pas, ça je veux comprendre, je veux même essayer de t'aider. Mais je ne veux pas le comprendre si je suis en train de prêcher ça des années et toi tu ne comprends pas toujours. Marc 16. Praise Mark the Lord. 16. Hallelujah. Amen. Mark 16, verse 15 to 17. 15 bis 17. Mark 16, 15 à 17. Look at what Jesus said here also. Schaut euch an, was Jesus hier sagt. Mm. And he said unto them, go ye into the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be damned. And those and these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. And they shall speak with new tongues. Praise the Lord. Hallelujah. They shall speak with heavenly tongues. Sie werden mit himmlischen Sprachen sprechen. Mit neuer Sprache werden sie sprechen. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons et ils parleront en nouvelles langues. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if I preach and you don't understand or you have problem concerning it, why don't you come to me? Wenn ich etwas predige und ihr das nicht versteht, instead of oder ein Problem damit habt, going with you know with your own opinion. Deshalb fragt ihr mich nicht oder kommt auf mich zu und damit wir das klären können. Weshalb denkt man sich dann seinen Teil und lässt nicht nur zu, dass man halt, dass man dass sich denken bei einem bleibt, sondern dass man es dann auch noch weiterträgt an andere, anstatt einfach zu mir zu kommen und das zu klären. Si par exemple vous n'avez pas compris quelque chose, pourquoi vous ne venez pas ici et vous me le demandez, comme ça je vais vous expliquer pourquoi vous restez avec ça dans votre cœur et vous y pensez. Et à la fin, on a, vous disiez ça même aussi à d'autres personnes. You know, there are a lot of evil prophets, evil doctrines everywhere. Es gibt viele. Just like post time. Es gibt viele bösartige Propheten und bösartige Lehren und sie sind damals da gewesen und sind auch heute da. Apostelgeschichte 15. On va lire d'abord Acte des Apôtres 15. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Acts 15. We just read only verse 1. Apostelgeschichte 15, Vers 1. Seulement verset 1. And he said, and a certain man which came down from Judea taught the brethren and said, except you be circumcised after the manner of Moses, you cannot be saved. Are you getting it? Und als, you see evil doctrine. Und aus Judäa kamen einige herab und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Mose beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Seht ihr diese bösartige Lehre, die sich in die Gemeinde infiltrieren wollte, eindringen wollte? Quelques hommes venus de Judée arrivent à Antioche et s'enseignaient des frères et disant, si vous ne faites pas circoncire comme Moïse l'a prescrit, vous ne pouvez pas être sauvés. Those that refuse Moses to go. Die Mose nicht loslassen wollen. Moses to go. Die Mose nicht loslassen wollen. Ceux qui refusent de laisser de faire partir Moïse. Let's go to Philippians 3. Philippiens 3. Praise the Lord. Amen. Philippiens 3. Philippiens 3. Philippiens 3. From verse 17. Philippiens 3, verse 17. Philippiens 3, verset 17. Amen. Amen. He said, brethren, be followers together of me, among them which walk so as you have us for an example. Are you getting it? Verse 18. For many walk of whom I have told you often, and now tell you even. Are we there, please? Tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is this destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, and whose mind earthly things. I don't know if you are getting it. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Let's read it to the end. On va lire Philippiens 3, 17 jusqu'à la fin. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. 21. Who shall change our veil body, and it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Praise the Lord. Hallelujah. The belly here, you know, here it talks about belly. Look at verse 19. He said, whose end is destruction? Whose God is their belly? He's talking about their motive, their desire, their value. Ici, il parle de themselves. It's all about them. What suit them? What will make them to keep on living the evil life that they have been living? Was ihr Leben, was sie vorher geführt haben, rechtfertigt und befürwortet. Ici, on voit que on lit, car il est né beaucoup qui vivent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Je vous le dis une fois de plus en pleurant. Ils finiront pas par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Ici, il parle des gens qui ne sont pas prêts à laisser, qui veulent seulement, qui pensent toujours aussi à eux, qui ne sont pas prêts à laisser tout derrière eux. You know, Paul became so angry. Paulus wurde so wütend. Became so angry with them. Er wurde so wütend auf sie. Ici, Paul était vraiment fâché avec eux. Amen. Go to Galatians 1. You will read. What's my son's name? You will read verse 1. Galatians 1 from verse 1. On va lire Galates 3, verset 1. Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, den ihn auferweckt. Thank you, Schatz. Und aus dem Tod. Praise the Lord. Hallelujah. Then we will now read from verse 6. Amen. Look at from verse 6. Paul became so angry with the people because their neck is so stiff that to bend it. You know, Jesus, when he looked at Jerusalem, he cried. I said, how long have I tried to gather you, but you never. I cannot. You refuse to allow me to be there for you. Und Paulus war wütend, weil ihr Nacken so versteift ist, dass sie sich nicht zur Wahrheit drehen wollen, lassen wollen. Und auch Jesus, als er geweint hat um Jerusalem, weil er sie halt auch versammeln wollte als eine Henne unter seinen Flügeln, aber sie sich nicht versammeln lassen wollten. Ici, Paul voulait même les unir ensemble, mais eux, ils ne voulaient pas, ils étaient en train de se... Ils ne voulaient pas autoriser Paul travailler avec Dieu pour eux. Praise the Lord. It's from verse 6, please. On va lire verset 6. I marvel that you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Verse 7, which is not another, but there be some that trouble you and will pervert the gospel of Christ. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. And again he said, as we said before, so say I now again. I'm not making mistake. He's laying a curse on those that pick and choose. Er wiederholt es hier nochmal. That we will not, that we not there for you to even listen to all this doctrine. If you are under a curse. Dass wenn ihr euch diese Lehren immer wieder aussetzt, diesen Lehren euch aussetzt, euch das auch mal anhört, seid ihr auch verflucht. Il nous dit ici, il se répète ici qu'on doit vraiment faire attention parce que quand on est en train d'écouter toutes les mauvaises doctrines de d'autres personnes, ça nous entre dans nos pensées et ça va nous affecter même si on le sait, même si on se rend pas contre de ça, mais ça va nous affecter. That's nine. As we said before, so say I now again. If any man preach any other gospel unto you than that you have received, let it be accursed. Praise the Lord. Ainsi, tous ceux qui font confiance à Dieu, comme Abraham lui a fait confiance, ont parlé, on part à la bénédiction avec lui. On a une parole. Chez nous, c'est verset 10. Amen. Galatians. Verset 10. Lisez, bitte, Galater 1, 1 bis zum Ende durch. Verset 10, on venait de lire, en allemand c'est 9, ici c'est 10. En effet, ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous les coups de la malédiction. Car il est écrit, maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans la vie dans le livre de la loi. Et c'est pour cela que on doit le lire aussi à la maison, Galates 1 à la maison. Please, if we are reading the Bible, also open your Bible and be looking at it. Be reading it alone. My son is not doing that. Please be doing it. Ich achte bitte darauf, dass wenn wir lesen in der Bibel, auch wenn ich auf Englisch lese, dass ihr immer gleichzeitig mitliest bei euch selbst. Egal welche Sprache ihr die Bibel vor euch habt, dass ihr immer mitliest. C'est pour cela que je vous dis encore, quand je lis, même si je lis en anglais, vous lisez aussi votre Bible dans votre version. Galates 3, 1 à 4. Praise the Lord. You know, Paul was so angry. He said, foolish Galatians. Paulus war so ihr unverständigen Galater, ihr dummen Galater. Ici, Paul était vraiment fâché. Il a dit que les Galates, vous êtes vraiment fous. So also I can say foolish people here in this ministry. Und genauso kann ich auch sagen, wir dummen Menschen hier in dieser Gemeinde. Et c'est comme ça que je peux aussi dire qu'il y a aussi beaucoup de personnes dans cette église. How you can live years upon years? I just stop speaking in tongues from nowhere. Wie wir jahrelang in die Gemeinde gehen können und auf einmal aufhören, fremde Zungen zu sprechen. Comment tu peux vivre des années dans cette église et de donner même dans l'église, mais tu arrêtes juste que comme ça, tu arrêtes de parler en langue. You know, a family should speak in tongues together. Husband and wife, it's a must. You speak in tongues together and pray together almost every day. Eine Familie sollte zusammen Fremdzungen beten. Eine Familie sollte zusammen, if it is not every day, so gut wie jeden Tag gemeinsam beten, Fremdzungen beten. Une famille doit toujours parler en langue ensemble. C'est vraiment une chose que Dieu nous a recommandé. Même surtout hommes et femmes, quand vous êtes mariés, vous devrez toujours parler en langue aussi ensemble. You know, he said, you know, we read in 1 Corinthians 14. He said, if you are speaking in tongues, it is your spirit that is praying. The part of you that is 100% Christ. The part of you that know what is going to happen tomorrow. The part of you that know what is going to happen next week, next month, next year. That know, you know, wherever the family, you know, those family, your brothers and sisters everywhere. He know where they are. He know what they are going through. It is only your spirit that can see all. It's that part that is. You don't know. I don't know how people can ignore. No wonder you fall into a problem, from one problem to another, from one, you know, accepting flesh here and there. And we don't even know where the problem is coming from. You cannot even detect it. Und wir müssen halt diese Gabe des Heiligen Geistes auf jeden Fall nutzen, weil es ist ganz klasse, unser Geist dabei betet. Unser Geist weiß alles. Er ist nicht zeitlich oder geografisch begrenzt. Er weiß alles. Er sieht alles. Er weiß, wie es unserer weltlichen Familie überall auf der Welt geht und wie wir für diese Leute beten sollen, damit er bestimmte Arbeiter schickt, damit diese Leute dort die Wahrheit empfangen, weil wir dort vielleicht zu den Leuten nicht physisch predigen können, aber dass er halt, dass wir dann im Gebet dafür beten, dass er halt andere Leute schickt, die dann zu diesen Leuten denen die Wahrheit geben kann. Das sind alles Dinge, die haben wir nicht immer in unserem Kopf, die haben wir nicht immer in unserem Verstand, und deswegen ist es wichtig, dass wir im Geist beten, weil der Geist weiß diese Sache und kann dann dafür eintreten. Und deswegen ist es so traurig, dass wir diese Gabe einfach nicht nutzen, obwohl sie so kraftvoll ist. On doit comprendre que parler en langue est vraiment très important, parce que il y a des histoires que on peut pas, qui vont venir à l'avenir. On a vu que le parler en langue et que tu parles dans une langue inconnue, et ça, ça prie, c'est ton esprit qui prie à Dieu, même des histoires qui concernent le futur, le passé, ou bien ce qui va venir à tes, à ta famille que tu connais pas. Donc tu parles concernant toutes choses, mais en intelligence, tu es vraiment limité. Et c'est pour cela que je ne comprends pas comment vous pouvez stopper de parler en langue. Parce que, et puis après, vous êtes en train de... vous ne comprenez pas d'où les problèmes viennent. Mais si vous êtes en train de stopper de parler en langue, vous ne pouvez même pas... Ça signifie qu'au lieu de résoudre le problème en avenir, quand tu parles en langue aujourd'hui, tu es en train de limiter le parler en langue... priant en intelligence, et demain c'est toi qui te demande mais comment j'ai eu ces problèmes, comment, pourquoi Dieu ne m'a pas prévenu, mais c'est toi-même qui as stoppé de travailler pour ça en fait. Und weshalb wir uns dann halt auch wundern, weshalb dann Probleme kommen oder wir dann uns so leicht beirren lassen von fleischlichen Sachen. Aber es ist ja klar, weil wir diese geistliche Verbindung ja mit dem Heiligen Geist gar nicht pflegen. Wir arbeiten ja gar nicht daran, dass der Heilige Geist mit uns Beziehung haben kann durch diese Sprache, die er uns gegeben hat, mit der wir uns mit ihm austauschen können. Und dann ist es doch klar, dass genauso wie das Tun dieser Sache Vorteile bringt, wird auch das Nicht-Tun dieser Sache Nachteile mit sich bringen. C'est pour cela qu'on doit aussi voir que, je venais déjà de le dire, que c'est vraiment important, parce qu'on ne doit même pas aussi être surprise quand on ne parle pas en langue et que les histoires nous y arrivent. Parce que maintenant, on connaît la vérité, on connaît que c'est important. Et si on ne le fait pas, c'est nous-mêmes qui... on se met nous-mêmes dans un désavantage. You know, you listen to the truth here. And when you get to you are... You go and open the internet and listen to lies. You go and listen to religion. You know, you are now, you wonder why you are, you know, faith and unbelief. They are not together in your life. Und, faith and unbelief. He said, I believe, help my unbelief. You have, you know, you are saying, you come here to listen to Christ, to the truth. And you go away and listen to the lies upon lies everywhere. I wonder why you are confused. Wir gehen hier in diese Gemeinde, wir haben diese Gemeinde als Gemeinde und hören die Wahrheit und nehmen die Wahrheit mit, aber dann sind wir zu Hause und gucken uns dann wiederum falsche Lehren an, ne? Falsche Pastoren an oder falsche Lehren an, die ein anderes Evangelium predigen, und wundern uns, dass wir dann am Ende des Tages verwirrt sind und dann nicht wissen, wer die Wahrheit spricht, welcher Heilige Geist der wahrhaftige Heilige Geist ist. Und hab ich was vergessen? En fait, quelquefois, on écoute ici le message, on dit que oui, on croit, et puis quand on part à la maison, on est en train d'écouter un autre pasteur qui dit quelque chose qui est contraire à ici, par exemple, et puis on est confus, on croit, mais on croit pas. C'est comme l'homme qui disait à Dieu, Père, je crois, mais aide-moi à détruire mon incroyance. Donc, on est vraiment confus, tu crois, mais au même moment tu as l'incroyance et tu ne sais pas d'où ça vient. Au lieu seulement de demander au Saint-Esprit de parler en langue, parce que quand tu parles en langue, par exemple, tu t'exerces avec ça, c'est le Saint-Esprit qui va te donner le discernement, qui va te dire que ok, c'est que tu sais que tu as à croire, qui va te révéler, ok, c'est que le pasteur là, par exemple, dit à gauche, c'est que un frère tel quelqu'un a dit c'était pas vrai. C'est le Saint-Esprit qui va te le révéler quand tu parles la langue. Mais si tu ne le fais pas, tu seras confus de gauche à droite, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de dire beaucoup de choses dehors. Und der Nachteil wird halt sein, dass halt Unglauben bei uns wohnen, ne? Und wir uns dann halt dieses Gebet sprechen müssen, Herr, ich habe Glauben, aber hilf meinem Unglauben, weil ich immer wieder diesen Unglauben reinlasse durch das, was ich mir angucke und anhöre. Et quand on continue à se comporter comme ça, on doit aussi comprendre que tu vas commencer aussi à croire, mais tu auras dans ce croire, tu auras aussi une croyance dans ta tête. You want to get revelation when you refuse to surrender to the Holy Spirit. Und wir wollen dann Offenbarung empfangen. To the Holy wir wollen Offenbarung empfangen. Obwohl wir, so that I get revelation. Obwohl wir den Geist der Offenbarung halt einschränken. Wenn wir dem Heiligen Geist nicht glauben, wenn But wir ihn nicht komplett Raum lassen in uns, dann wird er auch nicht das tun, wozu er da ist, uns eben Offenbarung zu geben. Denn er ist ja der Geist der Wahrheit. Er ist ja derjenige, der uns Offenbarung schenkt. Wenn wir ihn einschränken, dann können wir lange auf Offenbarung warten. Quelquefois on dit qu'on veut des révélations, mais tu veux pas, c'est que lui te dit de faire, tu veux pas te soumettre, tu veux pas par exemple parler en langue, mais tu veux une qui puisse te révéler quelque chose, mais tu si tu n'es même pas capable à te soumettre et à faire ce que le peu qu'il t'a dit, mais tu veux le plus grand, tu veux une révélation encore plus grande, mais tu es en train aussi de lui désobéir, ça n'a pas de sens. You can see here that Paul was experiencing the same thing we are experiencing here in this ministry. Paul hat das gleiche erfahren, was wir hier erfahren in dieser Gemeinde. Jennifer, help us to read verse 1, Schatz. Galates 3:1. On va le lire encore une fois. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Euch ging Jesus Christus, als unter euch gekreuzigt, vor die Augen gemalt worden ist. Hoffentlich ist Galatians. Who have bewitched you, that you should not obey the truth, before whose eye Jesus Christ has been evidently set forth, crucified among you. Verse 2. This only would I learn of you. Receive ye the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith? Are you so foolish, having begun in the Spirit, are you now made perfect in the flesh? They started with the spirit, angefangen. And now they are now in the flesh. Und jetzt gehen wir ins Fleisch über. Ici, ils ont parlé de Galates, ils ont appelé les insensés, et puis il a dit, vous avez commencé en esprit, mais maintenant, vous êtes en train de continuer par la chair. I have been speaking in tongues before, but now I don't speak in tongues. Ich habe vorher in Fremdzungen gesprochen, aber jetzt spreche ich nicht mehr in Fremdzungen. C'est la même chose quand vous disiez que vous avez avant vous avez parlé en langue et maintenant vous parlez plus en langue. Mais Praise pourquoi? The Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. The same thing Paul is experiencing here. Paul, you started in the spirit. Wir haben Geist angefangen. And now you are in the flesh. Then you cannot even see. We have problem occupy you. Why you are not fighting the truth? The Holy Spirit is the spirit of the truth. And without embracing him and accepting everything of him, you cannot even hear the voice. You will start fighting the truth. Der Heilige Geist ist ja der Geist der Wahrheit. Und wenn wir uns, wenn wir ihn nicht vollkommen annehmen, werden wir anfangen, die Wahrheit, für die er ja einsteht, zu bekämpfen und in Frage zu stellen. Le Saint-Esprit est le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité. Si on on se soumet pas à lui, on va commencer à avoir, comment on appelle, on va commencer, on veut pas se laisser faire, on va commencer à vouloir toujours combattre la vérité. The message we preach here is based, is coming from the Holy Spirit. And for you to understand it, you need the power of the Holy Spirit. It means you submit totally to the Holy Spirit. It comes from speaking in tongues. And so if you are rejecting speaking in tongues, you can never get it. That means go. Und die Botschaft, die wir hier predigen, ist vom Heiligen Geist. Und um das greifen zu können, muss es geistlich ergriffen werden, geistlich beurteilt werden, ne? Akzeptiert werden. Und dafür brauchen wir die Taufe des Heiligen Geistes, dafür brauchen wir das Sprechen im Heiligen Geist, das Sprechen, das Sprechen in Zungen, was sozusagen dieser Beziehung, was dieser Kleber halt ist in dieser Beziehung. Und wir dürfen können das halt nicht da rausnehmen, weil sonst werden wir das, was hier geprägt wird, immer also nicht verstehen und das Fleisch wird immer dagegen ankämpfen. Und dann ist es halt besser, wenn man sich dafür entscheidet, das halt nicht zu praktizieren, dann halt aber auch hier diese Gemeinde dann halt sein lassen muss, weil es sonst nichts bringt, weil man immer wieder immer wieder sich auf Fronten stoßen wird. le Saint-Esprit ici, on nous dit, nous apprend ici. C'est le Saint-Esprit qui me donne les révélations. Et c'est pour cela que je vous recommande toujours, je vous dis que c'est vraiment important de parler en langue. Et si vous vous disiez que vous décidez de ne pas parler en langue, vous aurez du mal à comprendre les messages d'ici parce que c'est le Saint-Esprit qui doit vous le révéler complètement. C'est l'esprit de la vérité qui travaille aussi complètement. Et si vous n'acceptez pas à parler en langue, si vous ne l'exercez pas, même chez vous à la maison où vous ne voulez pas le parler, vous allez avoir une résistance. Vous allez commencer à résister à ce que le Saint-Esprit me donne ici pour prêcher. We cannot allow you to be here. You know why? Okay. Because in this family, in this ministry, we are one family. It is all about Jesus Christ. What happened to one happened to all. Wir können dann auch nicht zulassen, dass du weiterhin hier bist, weil das was, weil diese Gemeinde ist die Familie von Christus und was einer Person zustößt, stößt allen Leuten zu. C'est pour cela c'est important de vous dire que si vous n'êtes pas prêt à parler en langue et si vous ne croyez pas à les histoires spirituelles que je vous dis, là c'est même mieux de quitter l'église parce que le truc est que cette église, si nous sommes une famille, une petite famille spirituelle de Jésus-Christ. Et si quelque chose arrive à une personne, ça nous arrive, nous tous. Et c'est dans le bon et c'est aussi dans le mal. And then because that is why you cannot say it's my business if I speak in tongues or not. Deswegen, it is our business here. Deswegen kannst du es nicht because if you, I'm coming here, because if you say no to the Holy Spirit, then it's automatic that you have another spirit that is going to be fighting here. Und das ist keine persönliche Entscheidung, because man trifft, here, sondern das ist etwas, weil wir halt alle einen Geist haben. Hätten wir verschiedene Geister, weißt du, okay, dann kann jeder seinen eigenen Geist so dienen, wie er will. Aber weil wir eben einen Geist haben, müssen alle im Einklang mit diesem einen Geist sein. Und wenn man das halt nicht sein kann und nicht sein will, muss man halt die Gruppe verlassen, damit man die Gruppe nicht noch mehr zu einem anderen Geist führt oder sogar anfängt, die Gruppe zu bekämpfen. Weil, wenn man sich nicht vom Heiligen Geist leiten lässt, ist nur eine Frage der Zeit, bis ein anderer Geist einen einnehmen wird. Und dieser Geist wird natürlich gegen die Wahrheit kämpfen. Deswegen kann man das nicht als eine persönliche Entscheidung, als ein persönliches Ding einfach dann weiterhin in einer Gemeinde durchziehen, weil es halt um den Heiligen Geist geht. Et c'est pour ça que je vais vous expliquer aussi pourquoi tu peux pas dire que oui, si je parle en langue ou bien si je ne parle pas en langue, c'est mon problème. Ça me concerne moi, je suis pas forcée. Oui, tu es aussi un peu forcé parce que ça concerne l'unité, parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne parles pas en langue, tu n'as pas peut-être, tu n'as même pas le même esprit avec nous, et ça va toujours causer un désordre ou bien ça va toujours causer un malentendu, ça va toujours causer une petite chose qui va toujours être là, tu vas toujours être oui, ça va toujours, il y aura toujours un petit problème. Et c'est pour cela, ça va affecter notre unité ensemble. Et c'est pour cela, c'est une décision que tu ne prends pas seulement pour toi. C'est pour cela, ça sera même mieux de partir d'ici si tu n'es pas capable à te soumettre à la vérité que le Saint-Esprit nous révèle ici dans ce ministère. If you look at here, Paul did not pretend that everything was beautiful. Paulus hat nicht so getan, als ob alles in seiner Gemeinde gut läuft. No need to write it out. Ich brauche es nicht schreiben. He wrote it out. Er hat es ausgesprochen. Er hat es geschrieben. Und ich bin dankbar, dass er es geschrieben hat. He did not hide it. Er hat es nicht versteckt. Now pretend that everything und hat so getan, als ob alles bei ihm gut läuft. Amen. Je remercie aussi Dieu pour Paul, parce que lui n'avait pas prétendu que tout va bien, malgré il avait ses propres pensées. Il a écrit ses lettres et il a explosé. Il a même écrit ça dans la Bible. En fait, aujourd'hui, nous, on puisse être capable à le lire aussi. Und er hätte sich schämen können, dass sein Dienst anscheinend nicht genügt hat bei diesen Leuten, aber er hat sich unabhängig davon entschieden, das anzusprechen, und es hilft uns heute auch. Parce qu'il a pu aussi être, il pouvait aussi dire que oui, mais j'ai honte de l'écrire, que les gens, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ils vont penser que moi et mon ministère et les gens de mes églises, mes frères et sœurs ne le comprennent pas. Ils pouvaient avoir honte, mais lui, il n'avait pas honte. Il a écrit, il a exposé, il a écrit ça dans la Bible pour qu'aujourd'hui, nous aussi, on puisse aussi avoir ce courage de nous reprocher l'un vers l'autre. Look at verse 3 again. He said, are you so foolish? Having begun in the spirit, are you now made perfect by the flesh? Full of flesh today. Wir sind jetzt fast your decision. Und das sieht man in unseren Entscheidungen. Das sieht man in unseren Entscheidungen. Your relationship, those you move with. Those that are your best friend. Bei den Menschen, mit denen wir die Orte, an denen wir uns, wohlfühlen, geben Zeugnis von unserer Quelle, geben Zeugnis von wer wir sind. Les gens avec qui nous sommes en train d'être, les gens avec qui nous aimons, eux, ils vont aussi témoigner. Ces personnes-là, ce sont aussi des témoignages de qui nous sommes, qui on veut suivre. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. I thank Christ for how he is revealing. He's really, how he is, let me say this first, how he is really in charge of this ministry. Ich danke Christus, wie er wirklich Kopf und Fuß und alles von dieser Gemeinde ist. Je remercie Seigneur l'Éternel parce qu'il est vraiment la tête et la queue de cette église. Il est vraiment en charge. He is really exposing those that refuse to let go. Er bringt ans Licht die von uns, die immer noch das Böse genießen oder das Böse immer noch tolerieren und akzeptieren und nicht loslassen wollen oder können. Il est en train d'exposer ceux d'entre nous qui sont pas prêts à laisser la chair partir, qui veulent toujours tenir à leur propre soi. You know, Wednesday message, I talked about, if you listen to it, I don't know. I talked about it that I am praying about it to divide the church, the ministry. Am Mittwoch habe ich darüber geprägt, dass ich momentan dafür bete, ob ich die Gemeinde aufspalten soll. Mercredi, si je vous écoutais le message de mercredi, j'ai même, je vous ai dit que je suis en train de penser si je dois diviser l'église en deux. The matured and those that always, that they just love to choose Christ. And the other side, the side that love to continue in flesh. But I thank the Lord for how fast he is to give the answer. Und ich danke ich wollte es halt ausspalten im Sinne von die Leute, die sich halt radikal für Christus entscheiden, ne? Und die Leute, die halt immer noch das Fleisch wählen. Aber ich danke dem Herrn, dass er schnell Antworten gibt, wenn ich ihn um etwas bitte, wenn ich ihm etwas frage, um Weisheit bitte. Je voulais diviser l'église entre les gens qui sont radicaux en Jésus-Christ et qui sont en train de choisir Jésus-Christ n'importe quoi et entre les gens qui sont pas prêts de choisir Jésus-Christ n'importe quoi, qui sont pas prêts de laisser leur chair partir. Et je remercie Dieu comment il est c'était mercredi que j'ai dit ça, mais lui, il est vraiment très vite. Il est déjà en train d'exposer les gens ici. You know, problems have been here in this ministry. There have been one problem after the other. And because of people that refuse to submit to Christ, because of certain people here, I decided to say, Father, do you want me to divide the church? Because I can see one step forward and two, three steps backward in everything. But I thank the Lord that he now revealed the root. Because all the time I have been seeing the fruit. But now he now revealed the root. Und wie gesagt, weil dieser Sachen, die ganzen Jahre über immer wieder aufgetaucht sind, diese Probleme, wollte ich halt einfach die Gemeinde halt spalten, dafür sorgen, dass es einfach zwei verschiedene Gruppen gibt. Aber ich danke dem Herrn, dass er einfach die Wurzel des Problems offenbart hat, damit man diese Wurzel beheben kann. Moi, je me disais que j'ai commencé à penser si je dois séparer l'église parce que je voyais beaucoup de fruits qui sont pas qui ne viennent pas de l'Éternel, mais je remercie l'Éternel parce que il m'a maintenant m'a ouvert les yeux et j'ai vu que c'était toute une racine qui n'était pas bien, qu'on est capable maintenant de travailler à travers la racine. In Matthew 6:8, he said before we ask, he already know. In Matthew 6:8 sagt er, bevor wir bitten, weiß er schon, worum wir bitten. Dans Matthieu 8, il nous dit que avant de prier, de lui parler, lui déjà, il sait de ce qu'on a besoin. You know, things have been happening, and I've been asking the Lord if your children are, their focus is you. Where are all these problems coming from? Man fragt, woher kommen diese ganzen Probleme? Woher kommen immer diese ganzen? This fleshy decision, choosing flesh always. Woher kommt das? je me disais, mais si, Père, si tous tes enfants sont vraiment concentrés vers toi, d'où est-ce qu'il vient tous ces problèmes qu'on est en train de survivre même pour ces moments ici? I thank the Lord for when is this message. Ich danke dem Herrn auch für die Botschaft am Mittwoch. Et je remercie l'Éternel pour le message de mercredi. Amen. Amen. And I spoke a lot concerning speaking tongues. Ich habe auch viel über das in fremden Zungen sprechen gesprochen. Et j'ai beaucoup parlé concernant le parler en langue. If you want to know somebody that is of Christ, it's so easy. Wenn du wissen willst, wer von Christus ist, das ist sehr einfach zu prüfen. Si tu veux connaître qui est de Jésus-Christ, c'est vraiment facile à examiner. Go ask him or her what you believe concerning the true God. Ask him or her what you believe concerning the God the Son. And then ask him or her what you believe concerning the Holy Spirit and the baptism of the Holy Spirit. Frag diese Person, was sie über den wahrhaftigen Gott denkt, was sie über den Gott, den Sohn denkt, Gott, den Vater denkt, was sie über die Taufe des Heiligen Geistes denkt, weil das ist die Wurzel unseres Glaubens. Demande à la personne, si tu veux savoir si une personne est vraiment de Dieu, demande à la personne qu'est-ce qu'il pense selon, concernant le parler en langue, le Saint-Esprit, c'est que la personne pense vraiment, si, et là tu dois écouter, et là la réponse de la personne, ça va te montrer si la personne vraiment croit au vrai Dieu ou pas. Praise the Lord. Hallelujah. You know, I know that there are so many churches today. They are not even after baptism or anything Holy Spirit. They don't want it. And you can, we are in Nigeria. You can see it. No one can say the Lord said to me. They can, you know, they cannot hear the voice without your cooperation with the Holy Spirit and accepting everything is coming from Him. You cannot hear His voice. And genau, in vielen religiösen Gemeinden wird halt der Heilige Geist ausgeklammert, weil man ihn einfach nicht versteht oder ihn halt etwas dann halt einfach als Nebencharakter, Nebenfigur darstellt, die nicht so wichtig ist, Hauptsache Jesus Christus, aber man klammert ihn einfach aus, obwohl es so wichtig ist und das haben wir auch in Nigeria gesehen, dass dort da habe ich niemanden wirklich gesehen, der wirklich gesagt hat, der Heilige Geist hat mir gesagt, weil diese Leute einfach keine Beziehung mit dem Heiligen Geist haben. Tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont des croyants, mais ils sont pas capables à dire que le Saint-Esprit m'a dit, parce que ils sont en train de d'écarter le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Et c'est aussi même en Afrique aussi, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables, qui disent qu'ils sont des religieux, qui sont des croyants, qui connaissent Dieu, mais qui n'ont pas une vraie relation avec le Saint-Esprit. Praise the Lord. Amen. You know, the main Bible studies on Thursday. Was it on Thursday? I don't know. Men. Don't start. Okay, good. The Lord has posed something. The question that I've been asking, where is the problem coming from? Because I can see the fruit, they are all evil. The decision is not Christ. But I've been asking, where is the problem coming from? And the Lord revealed it. Because it was because of those people that I said I want to even divide the church. So that it will be one part and the other part. Those that want to learn to be there, they can be there. But the Lord now brought out the source of the problem, which is refusing to submit to the Holy Spirit, including speaking in tongues. How can I'm commissioned? You know, my papa and myself, we hardly a day we never speak in tongues to pray together. He wake up 4 o'clock in the morning, sometimes 5. And I wake up with him. And we pray in tongues together. And before I now go to the kitchen, I prepare his food that he's going to take to work. Then once he has gone, then I go back to bed. In most cases, I study or I just sleep. You know, I can't hardly a day, even in Nigeria, where we visit Nigeria, the whole house, they know that every morning they hear our voice speaking in tongues. How can a husband and wife live together without speaking in tongues and praying in a living church? It's a big problem. because that is attacking the root. Ich bin dem Herrn dankbar, dass am Donnerstag in der in der Brüder Bible Study sich das Problem sozusagen offenbart hat, im Sinne von, dass rausgekommen ist, dass jemand ein Problem hat mit dem fremden Zungensprechen und das halt nicht regelmäßig tut. Und das ist halt eine große Sache. Vielleicht wirkt es wie eine kleine Sache, aber es ist eine große Sache, die vieles erklärt, die zeigt, weshalb die Frucht immer wieder verdreht ist oder die Frucht immer wieder, in der Frucht immer wieder diese was hast du eben nochmal gesagt, Kopfdings? Ja, Fronten immer wieder aneinanderstoßen, ne? Weil einfach, weil man sich einfach dem Heiligen Geist nicht komplett übergibt, indem man halt in fremden Zungen spricht. Und deswegen habe ich auch gerade als Beispiel genommen, dass mein Ehemann und ich, wir jeden Morgen in fremden Zungen gemeinsam beten. Das bevor er, wenn wir aufstehen um 4 oder 5 Uhr, je nachdem, was für eine Schicht er hat, stehe ich mit ihm auf und wir beten fremden Zungen für ein paar Minuten. Danach gehe ich und mache ihm das Frühstück, was er mitnimmt zur Arbeit, und dann gehe ich wieder schlafen oder gehe weiter in die Bibel und studiere in der Bibel, weil es gehört einfach zu unserer Routine, es gehört einfach zum Alltag. Auch als wir verreist waren, als wir in Nigeria waren, das ganze Haus dort in Nigeria hat auch immer morgens unsere Stimme gehört, weil wir immer gemeinsam sichergestellt haben, dass wir gemeinsam in fremden Zungen einfach für alles beten und alles einfach in das Blut von Jesus Christus tauchen, weil es einfach eine Selbstverständlichkeit ist für Kinder Gottes in einer lebendigen Gemeinde. En fait, après, mercredi, après ce message qu'on a parlé concernant le Saint-Esprit, jeudi, quand les garçons ont fait leur école biblique, même le mercredi, je demandais à Dieu pourquoi, d'où vient ces fruits que je suis en train de voir. Fais-moi voir la racine, fais-moi voir la racine, révèle-moi. Et dimanche, les garçons ont parlé et ils ont vu, les garçons ont parlé et un de nos frères qui ne parle pas en langue, et moi, qui a dit qu'il ne parle pas en langue, et moi, je me suis dit que maintenant j'ai compris d'où vient cette racine, parce que c'est à cause de quelques personnes, et ça, y compris aussi ces personnes, que moi, je voulais même diviser l'église, hein, parce que je me disais que je sens qu'ils sont pas en train de, ils sont pas radicaux comme les autres, et c'est pour cela ils sont pas peut-être matures, et c'est pour cela je demandais même à Dieu pourquoi, et ça m'a fait, c'était comme si c'était ma réponse. Et pour vous dire que moi et mon mari aussi, quelquefois il travaille à 4 heures et moi à 4 heures on se réveille, même avant on se réveille et on prie ensemble, on prie en langue ensemble. C'est chaque jour qu'on prie en langue ensemble, et c'est vraiment une chose très importante. Même quand on était au Nigeria, on était là et tout le monde, toute Nigeria, toute la parcelle savait que le matin, quand ils nous écoutent, c'est moi et mon mari qui ont notre unité en esprit, on est en train de parler en langue. Et c'est pour cela, maintenant je comprends d'où venaient tous ces problèmes, tous ces problèmes, toutes ces disputes, qu'on n'était pas vraiment... toutes ces résistances qui venaient de quelques personnes. Parce que c'est la résistance de... c'était comme si à travers... Vu que vous ne parlez pas en langue, c'est comme ça que vous résistez et vous ne pouvez pas... Vous n'êtes pas capable de vous soumettre à la vérité que le Saint-Esprit prêche à travers moi. Jesus said, if the root is bad, the fruit will be bad. Jesus sagt, wenn die... Frucht schlecht, wird auch die Wurzel schlecht. Wenn die Wurzel schlecht ist, auch die Frucht schlecht. Jésus-Christ a dit que si la racine est mauvaise, c'est le fruit qui deviendra aussi mauvais. You know, I said my husband and myself, we pray every morning because that is the time we have, especially that time that we can pray together. You know, your husband might not be at home in the morning, maybe in the evening. They better make it that at least every day, that you know you pray together. It is so important. If you cannot make it in the morning, I don't know the job people's husband go to. Some people work from maybe 12 o'clock. I don't know how different, there are different jobs. But make it that You commit every day. He said, take up your cross daily and follow me. Daily. Commit every day into the hands of the Lord. The days are evil. It can even be 5 minutes. The prayer is not just, it's not 1 hour, 2 hours, 3 hours. And, if we have the time like that, good. But so many times it's just 5 minutes. We just pray and just say, Father, thank you. We slept, you never sleep. Amen. You have been taking care of us. Mm. We say it in tongues. We pray, before I even start speaking in tongues, Papa have already started speaking in tongues. And also, how can I be living with a husband? If I say I believe and I'm speaking in tongues, my husband is not speaking in tongues, I will report him to the church. If I really believe that we are one, except if I believe that what is his business. But I believe that whatever happened to my husband happened to me. So it is not his business, it's my business. That he has a relationship with the Holy Spirit. And that's why I have to bring it out. Und genauso wie wenn jetzt beispielsweise ihr das nicht morgens machen könnt, weil der eine schon, weil der eine irgendwie anders arbeitet, kann man auch sich abends verabreden oder mittags verabreden, sich irgendwann einfach verabreden, wo man zusammenkommt und das einfach macht, ob es auch über das Telefon ist, ob es physisch ist, ne? Dass man einfach diese Zeit nutzt und dann halt einfach gemeinsam in fremden Zungen für alles zu beten, was für alles zu beten. Allein schon, dass man einfach weiß, dass, Herr, wenn wir schlafen, bist du immer noch wach. Allein das reicht schon, um dem Herrn zu danken. Und das tun wir in fremden Zungen. Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass wir halt auch erkennen, dass wenn wir dann zum Beispiel sehen, dass unser Ehepartner nicht in fremden Zungen, wenn ich Ehepartner sage, meine ich Frau oder Mann, wenn unser Ehepartner beispielsweise nicht in fremden Zungen betet, aber man selbst in fremden Zungen betet, dass man das hinterfragt und da halt auch nachgeht und man halt merkt, dass das halt so weitergeht, dass man das halt auch dann weiterträgt an die Gemeinde, an den Pastor, damit da was sich ändert. Weil wenn man das ja für so wichtig erachtet, weil man das ja auch selber macht, weil wenn man das ja selber praktiziert, heißt es ja, dass man selber daran glaubt und dass man das selber ernst nimmt, dann sollte man das ja auch ernst nehmen für sein Gegenüber. Besonders, weil man ja mit seinem Gegenüber, mit diesem Ehemann halt auch eins ist und mit dieser Ehefrau ja auch eins ist. Und deswegen sollte es einen dann halt angehen, ob diese Person sich genauso wie du selbst auch vollkommen dem Heiligen Geist gibt, indem man in fremden Zungen spricht. Und deswegen sollte man das dann halt dann ans Licht bringen. Und das Gleiche gilt auch für Freundschaften oder mit einer Schwester, mit einem Bruder. Wenn man da was mitbekommt, dass man auch sagt, ey, ich möchte mit dir darüber reden, wenn das halt in dem Gespräch sich nicht klärt, dass man das dann halt auch zur Gemeinde bringt, damit sich das klärt. Je dis que je ne dis pas forcément que vous devez parler en langue le matin comme moi avec votre mari ou bien avec dans votre famille comme moi et mon mari on le fait le matin. Ça peut aussi être même à travers le téléphone, ça peut aussi être même le soir. Je dis c'est important parce que si vraiment on croit vraiment en esprit et on croit à l'effet du parler en langue dans notre vie. Si même si vous êtes marié et que ton mari, par exemple, ne parle pas en langue et toi, tu parles en langue et que tu vois ça, tu vas être alarmé. Tu vas dire que c'est bizarre. Tu vas te rappeler qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et si tu penses réellement que toi et ton mari, vous êtes vraiment un, tu vas... partir même à l'église, tu vois, même tu vas dire demander, faire ça même comme demande de prière pour dire que oui, moi et mon mari nous sommes un, mais en esprit on a quelques petites divisions et on doit y en parler. On y parle à l'église, on doit prier sur ça, je sais pas quoi, mais si vous êtes vraiment un et vous croyez vraiment au parler en langue, c'est ça que vous devrez faire. Mais si vous ne le faisiez pas, c'est comme si ou vous ne croyez pas, vous aussi, malgré vous parler en langue, vous ne croyez pas au parler en langue, ou bien vous ne voyez pas un avec votre mari. Praise the Lord. Et on va lire Matthieu 19. Matthieu 19. From verse 4 to 6. Matthieu 19, 4 à 6. And he answered and said unto them, have you not read that he which made them at the beginning made them male and female? And verse 5, and said, for this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Wherefore, they are no more twain, but one flesh. What therefore the Lord hath joined together, let no man put asunder. Amen. You know, here is not, he said, but, and look at verse 5 again, and said, for this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave. He is not talking about leaving the building. Und he's talking about being one in the spirit. Er spricht nicht darüber, dass man unbedingt aus diesem Haus ausziehen muss oder aus dieser Stadt und aus dem Kontinent ausziehen muss, damit man wirklich abhackt, sondern es geht darum, dass du eins bist mit dieser Person im Geist und ici, deswegen eine Unterscheidung. Verset 5 nous dit et qu'il a déclaré, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à la femme. Et deux ne feront plus qu'un. Ici, il ne parle pas forcément d'un endroit, de laisser sa femme, son père et sa mère. Donc, il ne parle pas de laisser la maison ou bien le continent ou bien le pays. Mais il parle ici qu'il va commencer à être un esprit avec sa femme. Ici, il parle de l'esprit. Il ne parle pas d'un lieu, en fait. You know, if my husband forbids speaking in tongues, and I'm just quiet. I say nothing about it. And I just see it as normal. I'm part of the evil. I am part of it. Wenn mein Ehemann nicht in fremden Zungen sprechen will oder nicht das halt vielleicht sogar auch verteufelt und ich das weiß und ich das nicht anspreche oder das nicht öffentlich mache im Sinne von, dass ich mir jemanden dazu hole, damit da was passiert, dann bin ich Teil von diesem Übel, weil ich das halt einfach dann hinnehme und denke, dass es normal ist oder dass es halt nicht schlimm ist, weil es seine eigene Beziehung ist zu Jesus Christus. Si par exemple mon mari est en train de refuser de parler en langue et moi je le sais et je ne dis rien et je me dis que oui, c'est sans problème parce que moi je le fais de toute façon. Je deviens aussi une complice parce que j'accepte ce qu'il est en train de faire malgré je devrais savoir l'importance de parler en langue et je devrais savoir que ça ne vient pas de lui. You know, how can you accept the Holy Spirit without accepting his gift? And pick and choose his gift. Wie können wir den Heiligen Geist akzeptieren, ohne auch seine Gaben im Geist all his gift. Zu akzeptieren? All seine Gaben, die er uns gibt. Si tu ne peux pas, qu'est-ce que si tu ne peux pas le croire? Comment tu peux croire que si tu ne crois pas parler langue aux langues, comment tu peux croire que das alle. All seine Gaben akzeptieren. Comment tu nicht nur eine aussuchen. Oui. Si tu peux, comment tu peux croire au cadeau, au don que Dieu nous a donné et dire que tu ne crois pas à tout ce qu'il nous a donné. Tu crois seulement à quelques dons, mais pas à tout. C'est impossible. Ou tu crois à tous les dons que Dieu nous a donnés ou nous a offerts, ou tu crois en rien. You know, please go and listen to the message on Wednesday again, because we cannot go there. Amen. Hört euch die Predigt vom Mittwoch nochmal an, weil wir können das leider hier jetzt nicht nochmal wiederholen. Amen. Amen. You know, the Holy Spirit, he has his own property. Der Heilige Geist hat seinen eigenen Besitz. Le Saint-Esprit, il a ses propres biens. All the gifts of the Spirit, all the fruit of the Spirit, they are his own property. All die Frucht des Geistes ist sein Besitz. Tous les fruits de l'Esprit, ce sont ses biens. And he uses them the way he will. Und nutzt sie, wie möchte. It's like, this body belongs to you. And you are the one that will say, I want to stretch my hand, I want to stretch my leg. Are you getting it? I want to use my mouth. I want to clean my nose. You are the one. So also, the Holy Spirit is the head. But the properties belong to him, all the gifts. And he knows when to use it at his own time. And you can even... It's until it is through speaking tongues you cooperate with him mostly. The number one way of, the greatest way of cooperating with the Holy Spirit is through speaking tongues. Amen. Und wir haben auch am Mittwoch das nochmal so erklärt, dass der Heilige Geist ist halt dieser Kopf. Und wenn dieser Kopf sozusagen der Kopf dieses ganzen Körpers. Und ich selber entscheide, ob ich jetzt meine linke Hand oder meine rechte Hand strecke, ob ich nach rechts oder nach links gucke, ob ich meine Nase putze. Das entscheide ich. Und genauso entscheidet auch der Heilige Geist, welche Körperteile, welche Gaben er in dir wirkt. Aber alle Gaben sind in dir. Alle Gaben stehen dir zur Verfügung. Und er nach seinem Willen kannst du diese Gaben nutzen. Aber die Gabe, die so wichtig ist für die Kooperation mit dem Heiligen Geist, ist die Zungensprache, weil Kooperation funktioniert nicht ohne Kommunikation. Und diese Kommunikation tun wir in fremden Zungen, indem wir in fremden Zungen sprechen, mit dem Heiligen Geist sprechen. So kooperieren wir mit dem Heiligen Geist. Und deswegen ist das Sprechen so wichtig. Ja, elle nous explique aussi que c'est vraiment, c'est comme dans un corps. C'est important de comprendre que c'est le Saint-Esprit qui décide sur tous les biens, comment utiliser tous ces biens dans nous. C'est comme nous sommes assises là. Nous sommes assises, nos pieds sont à terre, nos yeux sont ouverts, nos mains sont croisées. Mais pour faire quelque chose, si tu veux te gratter quelque part, c'est ton cerveau qui dit, ok, il faut gratter. Là, tu grattes. Et se parler en langue, c'est comme si, c'est comme un exemple, c'est comme s'il y a un cerveau parce que c'est le cerveau, c'est à partir du cerveau que tu penses que, oui, ça gratte et tu prends ta main à partir de ton tissu. Tu signales à ta main de gratter là où ça te gratte, par exemple. C'est le cerveau qui a besoin de ça. Et parler en langue, c'est aussi une chose comme ça. C'est vraiment très important. C'est un outil qu'on a pour communiquer avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est la tête à la base. Il est la tête et c'est lui qui décide comment utiliser quelle partie de ses biens ou bien de notre corps comme il veut. C'est lui qui décide. Mais tu dois être en communication avec lui. Et pour communiquer avec lui, en intelligence, tu ne peux pas. Tu peux seulement faire ça par esprit. Et là, tu vas le communiquer à lui, avec lui, quand tu parles en esprit et quand tu parles en langue. The Holy Spirit is the one to help you to take decision, but it is not without your cooperation with him. Und der Heilige Geist muss dir helfen, diese Entscheidung zu treffen, aber nicht ohne deine Kooperation, weil er ist kein Dämon, der einen einfach einnimmt gegen seinen Willen. C'est le Saint-Esprit qui décide de t'utiliser, mais c'est pas, il ne le fait jamais sans ta coopération, parce que c'est pas il n'est pas un esprit démoniaque, il est un gentleman, donc c'est lui, il fait avec classe, il veut que tu puisses coopérer avec lui. Si tu ne veux pas, il va pas te forcer. He is a gentleman, and he loves invitation. Er ist höflich und liebt Einladungen. Er ist kein Partycrasher. Er will eingeladen werden. Il est un gentleman. Ça signifie qu'il aime bien être invité aussi. Ça signifie qu'il ne va pas, il va jamais te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas faire. To choose the Spirit without the relationship with the Holy Spirit. Through speaking tongues, you cannot choose the Spirit. You will always choose the flesh. The flesh will always be your desire. You will always be hungry of the flesh. It will always be, you know, your value will always be the flesh. It takes the Holy Spirit to live in the spiritual world of Christ. Und ohne diese Kooperation mit dem Heiligen Geist, die wir durch ins fremde Zungen sprechen schaffen, werden wir immer das Fleisch bevorzugen und das Fleisch, dem Fleisch nachgehen. Und das Fleisch muss nicht sein, dass ich dann anfange zu klauen, Unzucht zu treiben und Leute abzuschlachten. Das Fleisch kann auch einfach sein, dass ich anfange, die Wahrheit anzuzweifeln und nach einer anderen Wahrheit versuche zu suchen. Ne? Also das Fleisch kann sich unterschiedlich manifestieren, aber es manifestiert sich oft in puncto Wahrheit, weil der Heilige Geist ja auch der Geist der Wahrheit ist. On doit comprendre que on a besoin du Saint-Esprit pour aussi prendre des décisions spirituelles. Parce que si tu ne parles pas en langue, tu ne peux pas t'exercer à vraiment écouter proprement la voix de Dieu. Tu as besoin de parler en langue pour être vraiment... C'est comme si tu étais en train de te soumettre. C'est une soumission complète. Parce que là, tes pensées ne sont pas actives. C'est seulement ton esprit qui est actif. Et là, tu es en train d'exercer la soumission et... À travers la soumission, tu seras toujours capable d'écouter la voix de Jésus-Christ encore plus bien et mieux. Mais si tu ne le fais pas, là, tu ne seras pas capable à toujours à te décider de l'esprit. Tu vas commencer à prendre des décisions charnelles, même sans le savoir. Et prendre des décisions charnelles, ce n'est pas seulement que tu fais activement quelque chose de mauvais. C'est aussi seulement une doute. C'est aussi douter vraiment, est-ce que Nzambalinga Kapenza, donc des questions, tu commences dans ton cœur. C'est aussi une décision charnelle. You see, the reason why Paul said I speak in tongues more than all of you together. Ihr seht den Grund, weshalb Paulus gesagt hat, ich spreche mehr in fremden Zungen als ihr alle zusammen, weil er lernen musste, im Geist zu sprechen, im Geist zu leben. Et c'est pour cela, comme on venait de lire, il a dit que moi, je parle en langue plus que vous tous ensemble. C'est parce qu'à travers ça, pour écrire même la Bible, pour être un Paul comme il était là, il était capable, il était obligé à être toujours en esprit, à vivre dans l'esprit, à parler en langue chaque jour et nuit, et à méditer sur son parler en langue, pour être capable à toujours choisir l'esprit. And you wonder why you always say, okay, this one is saying the Holy Spirit, this one is saying the Holy Spirit. Which of them are we going to believe? You wonder why you are saying it. When you are not cooperating with the Holy Spirit, you cannot even hear his voice. You cannot know who have the right Holy Spirit. Und wir wundern uns, weshalb wir dann verwirrt sind, welcher Heilige Geist die Wahrheit spricht, weil es wird Verwirrung, ist vorprogrammiert, wenn wir uns dem einen wahrhaftigen Heiligen Geist nicht hingeben und damit jeden anderen Geist entlarven können, entblößen können, weil wir halt dem einen wahren Geist der Wahrheit dienen und ihm folgen und von ihm hören und dann auch jeden anderen Geist als Lügner strafen können. On n'est pas en train de coopérer avec le Saint-Esprit, mais nous sommes les premières personnes qui sont confus, qui disent oui, mais quelconque a dit A et quelconque a dit B, mais eux deux sont en train de dire que c'est de l'esprit, mais je ne sais pas maintenant comment croire, qu'est-ce que je veux croire, je suis vraiment confus, mais tu te demandes pourquoi tu es vraiment étonné que tu es confus si toi tu ne parles pas en langue, si toi tu n'exerces pas ta langue, si tu n'es pas capable de coopérer avec le Saint-Esprit. C'est vraiment clair que tu seras toujours confus parce que tu laisses tu écoutes la vérité, le Saint-Esprit, mais tu écoutes aussi aux autres esprits qui ne t'aident pas à vraiment édifier, à vraiment exposer le vrai esprit que tu dois écouter normalement. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the true Holy Spirit, under grace, it matters. You can speak in tongues, people speak in tongues under Lord. Mm. And for Christ, it is speaking in tongues under grace. I will explain the difference between both. Und der wahre Heilige Geist durch die Gnade Gottes und nicht im Gesetz, weil es gibt Menschen, die haben eine Beziehung mit dem Heiligen Geist im Gesetz und die beten Fremdzungen, um Dinge zu bekommen von Gott und um Dinge zu manifestieren von Gott, aber nicht um einfach Beziehung mit dem Heiligen Geist zu haben. Deswegen, das ist auch ein Unterschied, der auch erklärt werden muss. Il y a une différence que je vais expliquer, c'est la différence d'avoir de parler en langue ou bien de parler en langue en esprit ou bien dans la loi, parce qu'il y a des gens qui sont en train de parler en langue pour avoir, pour posséder des histoires. Et ça, c'est vraiment de la loi, parce que ce n'est pas la vérité. Mais il y a aussi le parler en langue en esprit. Là, il ne s'agit que de Jésus-Christ, que tu veux être un vaisseau pour lui. Praise the Lord. Amen. Speaking in tongues under grace means your desire, your motive, your value. Is Christ Jesus. In fremden Zungen zu sprechen der Gnade heißt, dass dein Wert, dein Motiv, dein Fokus auf Christus allein liegt und nicht auf dir selbst, auf dem Fleisch. De parler en langue sous la grâce, ça signifie que tes motifs, ce que tu aimes, tout ce qui te concerne, ça c'est Jésus-Christ. C'est lui-même. Tu te soumets totalement à Jésus-Christ. Et là, tu parles en langue sous la grâce. Praise the Lord. Amen. Amen. You know, he said in the book of James, he said, you ask at me so that you consume it. You consume it in what? In lust. You understand me? It's all about you. You're speaking in tongues, it's about to know Christ. Your problem is that you don't know Christ. Your problem is not those problems. Your problem is you don't know him. Yeah. If you know him, what problem the under is faith? I don't know. Und in der Bibel lesen wir auch das gesagt, dass dass ihr bittet, aber ihr bittet vergeblich, weil ihr bittet, um es selbst an euch zu vergeuden. Für euren Magen bittet ihr, für euren Bauch bittet ihr. Und deswegen müssen wir halt wirklich darauf achten, dass wenn man fremde Zungen betet, dass es wirklich eine Gnade passiert und nicht im Gesetz, wo man diese Sachen macht, damit man was von Gott bekommt, damit man ihn befiehlt, Dinge zu tun, Dinge zu bekommen, all das, das ist halt für seine eigene Lust, betet man dann. Ne? Und es gibt Leute, die dann im Heiligen Geist beten, aber mit diesem Motiv. Und das ist nicht Christus, das ist nicht die Gnade Gottes. Et prier en langue dans la loi, c'est quand tu pries en langue pour avoir quelque chose qui te concerne. Qui que, si tu veux avoir une voiture, tu veux avoir ceci, cela, tu commences à prier en langue. Tu pries. Et là, c'est prier en langue dans la loi et pas dans la grâce. Parce qu'il s'agit de toi. Il ne s'agit pas de prier pour connaître Dieu, pour avoir une relation avec lui, pour dire à ton père, je suis là, me voici, fais de moi ce que tu veux. Mais tu pries pour posséder des histoires, pour avoir des histoires matérielles. Pour... Là, c'est vraiment de, dans la loi. Et cette différence, on doit le comprendre. If you go to John 16, Jesus said, when the Holy Spirit is come, the Spirit of truth, when he comes, he will reveal the truth. Who is the truth? I am the way, the truth, and the life. That's what Jesus said. He will reveal me to you. The problem you have is that you don't know me. Das Problem, das you know haben, me, our problem, they are over. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir Christus nicht kennen. Das Problem ist nicht, dass der Mensch komisch ist oder dass unser Auto ständig kaputt ist, dass wir immer wieder Rechnungen haben oder dass wir keinen Job finden oder sonstiges. Das ist nicht das Problem. Das, oder dass wir Krankheiten, Schmerzen haben. Das Problem ist, dass wir Christus nicht kennen, weil Jesus hat ganz klar gesagt, dass der Heilige Geist ist dazu da, um uns in die Wahrheit einzuleiten, damit wir unser, damit wir ihn besser kennen, damit wir die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit ist ja Jesus Christus. Und das, dafür soll man in fremden Zungen beten, dass man halt Beziehung mit Jesus Christus hat, die Wahrheit, Jesus Christus kennenlernt. Dazu ist das in fremden Zungen beten da und nicht damit man Dinge von Gott bekommt. Donc, on doit comprendre que le problème n'est pas que on a des factures, on a le problème tel qu'on est malade, on a je sais pas quoi comme problème. C'est pas ça notre problème. Notre problème beaucoup de fois, c'est qu'on ne connaît pas Dieu. Parce que quand tu connais Dieu et que tu as ta relation avec lui, n'importe quelle facture que tu vas avoir, tu vas lui laisser dans ses mains. Tu vas dire que malgré que j'ai cette facture, mais toi, tu as dit que tu prends soin de moi. Toi, tu es la personne qui est ma concentration. Et à cause de toi, parce que vu que j'étais, que tu es vraiment ma garantie, là, je suis heureuse parce que j'étais. C'est pas que nos problèmes ne sont pas souvent ce qu'on appelle problème. Praise the Lord. Your salvation is knowing the only true God and Jesus Christ. That's John 17:3. Deine Errettung liegt darin, dass wir Christus kennen, dass wir ihn kennen. Notre salut c'est de connaître Jésus Christ. Praise the Lord. The living church depend on the power of the Holy Spirit. Eine lebendige Gemeinde verlässt sich auf die Kraft des Heiligen Geistes. Une église vivante dépend de la puissance du Saint-Esprit. Especially in this period that we are. Besonders in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Et sûrement dans le temps qu'on est maintenant. Jesus revealed Jesus Christ. He revealed the Holy Spirit to us before he left. Jesus hat uns den Heiligen Geist told us his work. Bevor er gegangen ist, er hat uns sein Werk erklärt, gesagt, wozu er da ist. Jésus-Christ s'est révélé avant de partir, il nous a expliqué, il nous a dit pourquoi il était venu ici et pourquoi il était en train de parler, de partir. Il nous a tout expliqué. Praise the Lord. Hallelujah. We don't have the time has really gone. John 16 from verse 5 to 14. Very, very important. Johannes 16. John 16. Very, very important. Jean 16. Praise the Lord. Mm-hmm. You know, Jesus, he talked about the Holy Spirit in so many places. But this very place. Mm-hmm. Jesus hat sehr oft über den Heiligen Geist gesprochen, aber diese Stelle ist sehr wichtig. On va lire Jean 16. Jésus-Christ a beaucoup parlé sur le concernant le Saint-Esprit, mais Johannes, ici, il a vraiment John 16, dit une chose importante. À partir du verset 5. But now, Johannes 16, vers 5. Okay, Jean 16, verset 5. He said, but now I go my way to him that sent me. I am about to go. I am preparing to go. I am, if you are going to leave people, it's like you are leaving them forever. You know what you are going to tell them last is so important. Wenn du Leute verlässt und die vielleicht für eine lange Zeit oder vielleicht für immer verlässt, sagst du, die letzten Worte sind sehr wichtig. Diese Person, die hinterlassen wird. Und er hat uns vom Heiligen Geist berichtet. Das zeigt die Wichtigkeit des Heiligen Geistes. Il dit que maintenant je vous ai auprès de celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité que je vous dis. Il vaut mieux que pour vous que je m'en aille. En effet, si je m'en vais... We will sleep here today. Okay. Because I'm going to finish what I want to finish. Okay. Read. Was war das Wichtigste? Hast du es gesagt? Du hast ja gelesen, ne? Aber was Mami gesagt hat, ist das... Please, because... Ah, okay. Praise the Lord. Les personnes, les derniers mots... Please read it. ...sont les histoires plus importantes. All of us can read. On doit le lire à la maison. Amen. Read here from verse 5. He said, Jesus was preparing to go. He said, but now I go my way to him that sent me. He was going to live here on earth and go to heaven, invisible heaven. Jesus war auf dem Weg in den sichtbaren Himmel, in den unsichtbaren Himmel, um dort. And he was preparing us. Und er hat uns vorbereitet. Jésus-Christ était en train de partir dans le ciel invisible et il nous préparait ici. Vorbereitet auf das, was kommen wird. Amen. Et il nous a préparé de ce qui va nous arriver. He said, and none of you ask me, whither goest thou? Verse 6. But because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart. They were so sad that he was going. Sie waren so traurig, dass er going. I'm going to leave you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It's like somebody is going to die and he's saying, I'm going to leave you, I'm going to leave you. Because children never die. We sleep. Das ist wie jemand, der einschläft, sozusagen zum Herrn geht und sagt, dass er jetzt noch die letzten Worte gibt. Und wie Kinder Gottes, wir sterben nicht, wir schlafen. Es ist wie eine Reise. Wir werden uns wiedersehen. C'est genre un testament, c'est genre si quelqu'un meurt et il nous dit ses derniers mots, ce que lui nous a fait ici. What matters is that people are saved. And they remain safe. Was zählt ist, dass Leute continue to be safe to the end. Errettet sind und errettet bleiben bis ans Ende. Nous les enfants de Dieu, on ne meurt jamais, on s'endort, on va jamais mourir, on s'endort. Et la chose la plus importante est d'avoir Jésus-Christ et de continuer avec lui, même quand on finit ici dans ce monde, c'est avec lui qu'on a fini. Then if I say, we say, nevertheless, I tell you the truth. It is expended for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. He's talking about the Holy Spirit. Spricht hier über den Heiligen Geist in Vers 7. Ici, il parle de Saint-Esprit. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness and of judgment. Of sin because they believe not on me. Of righteousness because I go to my Father, and you see me no more. Of judgment because the prince of this world is judged. Verse 12. I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. Are you getting it? It's not because he's going to die that they cannot understand it. They cannot understand what he is going to say to them in flesh until they receive that power of the Holy Ghost. The Holy Ghost comes with his own power in Acts of Apostles. He said, when you receive the Holy Ghost, put something here. Go to Act 1. Ohne den Heiligen Geist werden sie das nicht verstehen. Power. Wovon, that's why you have his boldness. Jesus hier spricht und deswegen brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes, um es zu verstehen. Sans le Saint-Esprit, on n'est pas capable à comprendre ce que lui nous dit ici. C'est pour cela qu'on a vraiment besoin de la puissance du Saint-Esprit pour comprendre ce que l'Éternel nous dit. On va lire Actes des Apôtres 1, verset 8. Apostelgeschichte 1, vers 8. He said, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And you shall be witness unto me, both in Jerusalem and in all Judea. And in Samaria, and unto uttermost part of the earth. You shall receive power. The Holy Ghost comes with power. His own kind of power. Der Heilige Geist kommt mit Kraft, seiner eigenen Kraft. On a bien lu que on a besoin du Saint Esprit, de la puissance du Saint Esprit pour comprendre tout ici. Il nous dit, mais le Saint Esprit descendra sur vous. Il descend avec puissance pour comprendre. That's why we can do all things that He wants us to do because Amen. We receive it with His own power. Deswegen können wir alle Dinge tun, die Er von uns möchte, weil wir den Heiligen Geist empfangen haben mit Kraft. Et c'est pour cela on est capable de faire tout ce que lui il veut parce que on l'a reçu avec puissance. Johannes 16 wieder. Vers 12. 16, 12. Jean, on va rentrer sur Jean 16. I have had many things to say unto you. It's not because they were crying, because they cannot. Jesus, we just say, okay, I have many things to say, but you cannot receive it now because you are crying that I'm going. Amen. The natural man cannot understand the things of Christ. Und it takes the power of the Holy Spirit to understand it. That is why your cooperation with the Holy Ghost is very, very important. Und er hat nicht gesagt, ihr könnt das, was ich jetzt sage, noch nicht verstehen, weil ihr gerade alle aufgebracht seid, am Weinen seid, eure Augen voller Tränen sind und eure Stimme weggebrochen ist, weil ihr nicht auf meinen Abschied klarkommt. Sondern er hat gesagt, ihr könnt es noch nicht verstehen, weil ihr den Geist der Wahrheit noch nicht habt. Aber ihr werdet ihn von mir bekommen, damit ihr das versteht, was ich euch sagen werde. Quand il partait, il a dit, vous n'êtes pas capable à comprendre ce que je vous le dis parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Il n'a pas dit que parce que quand je suis en train de partir, vous êtes vraiment triste. Il dit parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mais quand je veux partir, c'est lui qui va venir. Il va vous consoler et il va tout vous expliquer. Verse 13. So how be it when he, the Spirit of Truth, is come? The Spirit of Truth and not the Spirit of Lies. Der Geist der Wahrheit, nicht der Geist der Lüge. He will guide you into all truth. All, not some. In alle Wahrheit, nicht those that do not have, we don't know L'esprit the truth. We don't know the truth. Qui va nous you guider. Are telling me you don't even have the Holy Spirit to reveal the truth to you. Wenn wir die Wahrheit nicht erkennen, dann heißt das, dass wir anscheinend nicht den Heiligen Geist haben, damit er uns die Wahrheit offenbart, weil er ist ja dazu da. Es ist ja seine Aufgabe, uns die Wahrheit zu offenbaren. Das ist ja sein Job. Il dit que le Saint-Esprit va tout nous révéler. Il va nous révéler toute vérité. Et si toi tu dis que oui, vous avez dit hier comme ça, demain vous avez dit comme ça, ça signifie que tu n'as pas le Saint-Esprit parce que tu n'es pas capable à discerner, à comprendre qu'est-ce qui est la vérité. He shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak. He will show you things to come. Are you getting it? Mm-hmm. Verse 14. He shall glorify me. It is not the Holy Spirit without Christ. Und es ist nicht der Heilige Geist ohne Christus. Là, il s'agit pas du Saint-Esprit sans Jésus-Christ. It is not the Holy Spirit and the flesh. Es ist nicht der Heilige Geist und das Fleisch. C'est pas le Saint-Esprit et it la is chair. The Holy Spirit and Christ. Es ist der Heilige Geist und Christus. C'est le Saint-Esprit et Jésus-Christ lui-même. You don't pursue the Holy Spirit and ignore Christ. Wir können nicht den Heiligen Geist die ganze Zeit jagen und ohne den Heiligen Geist. Tu peux pas poursuivre le Saint-Esprit sans le Saint-Esprit. He shall glorify me, for he shall receive of mine. Et ignorer Jésus-Christ. For he shall receive of mine and shall show it unto you. He shall reveal me to you. Er wird mich euch offenbaren. Il va me révéler à vous. He has his plan, his purpose for you in this world. Seine Pläne und sein Zweck für dich hier auf Erden. Lui, il a un but pour toi dans ce monde. It's not only him that has plan, purpose for you. Aber nicht nur Pläne und einen Zweck. Mais c'est pas seulement Jésus-Christ qui a un plan pour toi. Le diable, lui aussi, il a un plan pour toi dans ta vie et il est en train de chercher à travers qui partir. For the body to go through. Er sucht nach einem Körper, durch den er arbeiten kann. Und das geht für den Heiligen Geist, es geht aber auch für den Satan. Il cherche un corps à travers qui travailler. C'est le Saint-Esprit. C'est aussi le Saint-Esprit le cherche aussi et le diable aussi cherche aussi. Praise the Lord. Amen. No one can make heaven without the Holy Spirit. Niemand kann in den Himmel ohne den Heiligen Geist. Personne in his gift. Und auch all his gifts. Und all seinen Gaben. Personne n'est capable de monter au ciel sans le Saint-Esprit et c'est bien. And including speaking in tongues. Und dazu gehört you auch cannot make heaven. Satan will deceive you. Du wirst es nicht packen bis ans Ende, weil der you cannot make it to the end. It's not possible. Es ist nicht möglich, weil der Teufel wird dich packen. Tu as besoin du Saint-Esprit pour finir dans cette vie avec le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, sans le parler en langue, c'est difficile de continuer avec lui. Et c'est pour cela, c'est vraiment important de parler en langue. Speaking in tongues is like the cup you use to draw water from the well. Brings out all the gift. All the gift, they follow it. They follow it. Ist wie dieser Becher, mit dem wir, ist dieser Becher, mit dem wir aus dieser Quelle schöpfen und diesen fremden Zungen sprechen, das eröffnet auch den Weg, das öffnet auch den Weg für diese anderen Gaben, damit die sich auch manifestieren. Le parler en langue, c'est comme un, le parler en langue, c'est comme un verre que tu puises de l'eau pour boire. Donc ça signifie que tu peux même boire de l'eau. Et si tu ne puises pas cette eau dans ce corps, dans ton corps, ça peut aussi finir. Mais si ça finit, tu n'as plus rien à puiser. C'est pour cela que tu as besoin du Saint-Esprit pour prendre de gauche et mettre en toi. Et c'est vraiment important. You wonder why Paul said forbid it not. You know the other gift follow it. Is this the cup you use to draw out other gift? The gift or the gift of the Spirit. Das hat Paul gesagt, wir sollen es nicht verbieten, weil he said, es don't forbid it. Dafür sorgt, dass die anderen, not to speak in tongues. Dass die anderen Gaben sich auch manifestieren. Et c'est pour cela Paul a dit qu'on ne doit pas éviter de parler en langue et pas, ne pas interdire ça, parce que tout autre bien ou don qui vient à travers l'esprit, ça vient aussi à travers, d'abord à travers le parler en langue. Remember Jesus caused sin against the Holy Spirit. An unpardonable sin. Jesus nennt die Sünde gegen den Heiligen Geist eine unverzeihliche Sünde. Jésus-Christ dit que péché contre le Saint-Esprit, c'est un péché, c'est quelque chose que Dieu ne tolère pas, il ne pardonne pas ça. You cannot make heaven until your spirit is saved and continue to be saved to the end. You need a helper. You need your relationship with that helper. The Holy Spirit is your helper. Without him, it's not possible. Und du brauchst halt, ne, that's why pastor killed themselves. It's a matter of time. Errettet zu sein, brauchst du halt, muss dein Geist halt Christus sein, muss dein Geist Christus sein, du musst wiedergeboren sein. Aber um wiedergeboren zu bleiben, brauchst du die Taufe des Heiligen Geistes, brauchst du Beziehung mit dem Heiligen Geist, weil der Satan ein brüllender Löwe ist, der sucht. Und dann, wenn wir halt den Heiligen Geist ausblenden und versuchen, uns selber zu packen, dann wird uns irgendwann die geistliche Welt des Teufels hochnehmen. Und diese geistliche Welt wird sich zeigen in Form von Depression, in Form von anderen Sachen. Und dann passiert es, dass Pastoren sich auf einmal das Leben nehmen, weil diese Leute sich weigern, sich dem Heiligen Geist vollkommen hinzugeben, weil es einfach ein Rennen ist. Es kommt auf Ausdauer an. Und diese Ausdauer kann uns nur der Heilige Geist halt geben für dieses Rennen. C'est comme par exemple, tu peux être sauvé aujourd'hui, mais tu as besoin du Saint-Esprit pour rester sauvé. C'est pour cela aussi qu'il y a des pasteurs qui sont en train de se suicider parce qu'ils ont refusé de se soumettre à l'esprit ou de parler en langue. Parce qu'il y a un temps qui va venir que tu ne sais plus quoi faire. Et là, tu es livré. You know, John 14, verse 16 and 17, he said the Holy Spirit will be inside you and outside you. That's John 14. We will not go there because of time. Amen. The Holy Spirit will be inside you and outside you. That's what Jesus said. Amen. En Jean 14, Jésus nous dit que le Saint-Esprit va être en nous et autour de nous et aussi en nous. Baptism of the Holy Spirit, including speaking in tongues. Without it, you cannot make heaven. Die Taufe des Heiligen Geistes, ne, in Begriff des Zungensprechens, ohne das werden wir es nicht in den Himmel packen. Le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue. Sans ces deux histoires-là, on ne peut pas continuer à être sauvé. It is a pity that I have to add speaking in tongues. Es ist eigentlich traurig, dass ich das Zungensprechen immer noch mal als einzelnen Punkt ansprechen muss. Ça fait vraiment mal, c'est vraiment pitié, c'est une honte que je dois toujours rajouter le parler en langue quand je dis parler être en esprit. Because it is becoming an issue with people's lives, even in this ministry. Weil es für Leute halt ein Dorn im Auge ist. Es ist ein Dorn im Auge von vielen Leuten und auch in dieser Gemeinde ist es für einige ein Dorn im Auge. Deswegen muss ich es immer noch mal separat erwähnen, damit klar wird, dass das eine wichtige Gabe ist, die man nicht vom Heiligen Geist trennen darf. Parce que le parler en langue, ça devient un problème pour les gens ici, dans ce monde, et aussi pour quelques d'entre nous dans notre église. Praise the Lord. Hallelujah. You know, I mean speaking in tongues under grace and not under Moses. Und wie gesagt, ich meine das fremde Zungensprechen in der Gnade und nicht beim wie in Mose. Et moi je parle du parler en langue sous la grâce et pas sous la loi. Your motive, you know, under grace means your motive, your value, your desire is Christ. Let me repeat it again. Unter der Gnade bedeutet, dass unser, dass, unser Wert, unser Motiv Christus ist, wenn wir in fremden Zungen beten. Sous la, la grâce, parler en langue sous la grâce, ça signifie que notre valeur et notre motif, c'est de parler en langue, c'est Jésus-Christ. You allow it to be based on charity, God kind of love. 1 Corinthians 13. Wir lassen zu, dass look at 1 Corinthians 13, 1 to 3. Let us go there. Das ist auf der Liebe von Jesus Christus basiert. On doit vraiment autoriser et vouloir parler en langue qui est de parler en langue qui est basée sur la sous l'amour de Jésus-Christ. On va le lire à 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. He said, though I speak, verse 1. Verse 1. Though I speak with the tongues of men and of angels, I have no charity. If it is not based on Christ, wenn es nicht auf Christus basiert, his motive, his value, his purpose, his will, you are making noise. Machst du einfach nur lernen? Si c'est pas basé sur Jésus-Christ, là tu fais que tu es en train de faire des bruits. Speaking in tongues under law, you are making noise. Wenn du im Gesetz in fremden Zungen betest, dann machst du einfach nur Lärm. Si tu parles en langue dans la loi, comme on voit ici, à 1 Corinthiens 13, 1, tu es en train de faire des bruits. You have no charity. Charity is Christ, God kind of love. Christ himself. Christus selbst, without seine Liebe. If everything is not based on him, you are just making noise. Wenn es nicht auf Jesus Christus allein basiert, machst du einfach nur Lärm. si ton parler en langue n'est pas basé de Jésus-Christ, tu fais seulement des bruits. He said, although I have the gift of prophecy and understand all mystery and all the knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountain, I have not, if it is not based on Christ, and you keep on rejecting the Holy Spirit. He said, I am nothing. You are nothing. I don't know if you are getting something here. Amen. And though I bestow all my goods to feed the poor, you know, those charity. They will not, what do you call it? Caritas. They give you everything. And they want to catch fish. It's going to land in their tummy. Look at it. He said, and though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have no charity, if it is not based on Christ, wenn es nicht auf Christus basiert, nutzt es dir nichts. Je vous répète encore une fois, si vous parlez en langue qui n'est pas basée sur Jésus-Christ, ça ne sert à rien. Alles ist Christus allein. Jésus-Christ est seulement Jésus-Christ lui-même. Tout est basé sur Jésus-Christ lui-même. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. I quickly go through some part, then we close. Amen. In speaking in tongues, you must believe just like you believe your salvation. Und in fremden Zungen zu beten, da müssen wir glauben, genauso. It's not speaking in tongues without believing. Wie wenn wir glauben, dass wir errettet sind. You believe that is your spirit, the part of you that is pray, that is saved, that is speaking, that is praying. Du glaubst, you believe it. Quand on parle en langue, on doit, c'est comme notre salut. Que notre nom est écrit au livre des cieux, on n'a jamais vu. Mais on le sait et on y croit. Et c'est comme ça aussi qu'on doit parler en langue. Quand tu parles en langue, tu dois croire que vraiment ton esprit est en connexion et en communication avec Jésus-Christ. And so, you know, it's like your salvation. You believe you are saved, but you have not seen your name written in heaven. Jesus said, rejoice because your names are written in heaven. Have you seen it? But you believe it because the Bible said it. So also, you believe that it is your spirit that is speaking. The Christ in you praying and solving whatever. And you know, and revealing himself even to you. And solving whatever, because whatever comes to you, comes to him. Und genauso wie wir glauben, dass unsere Namen im Himmel geschrieben stehen, obwohl wir sie noch nie physisch dort gesehen haben, glauben wir auch, dass wenn wir in fremden Zungen sprechen, dass unser Geist betet und mit dem Heiligen Geist kommuniziert. Genauso müssen wir das einfach glauben, weil halt das Wort es sagt. Et si, donc c'est comme je vous ai déjà dit, tu y crois. Jésus-Christ, il a dit que réjouissez-vous parce que votre nom est écrit au livre de vie et dans le royaume des cieux. Là, on y croit et on se réjouit vraiment. Mais quand il dit qu'on doit parler en langue, pourquoi on n'est pas capable de ne pas y croire? C'est ça, c'est pour cela qu'on doit aussi croire vraiment, parce qu'il a dit que quand tu parles en langue, tu es en communication avec moi, avec l'esprit. Là, tu es vraiment en esprit. Et ça, on doit y croire, ce fait-là. I was shocked when I heard that some are not praying in tongues here. Und ich war schockiert, als ich gehört habe, dass einige von uns nicht in fremden Zungen beten hier. J'étais vraiment choquée quand j'ai écouté qu'il y a quelques d'entre nous qui ne parlent pas en langue. You know, it's not I believe it. You believe it enough and leave it. Es geht nicht nur and live the lifestyle of Christ. Es geht the life he wants you to live. Es geht nicht nur darum, das zu sagen, dass man es glaubt. I believe it, that I don't do it. So man, dass man's auch believe. Es geht nicht darum, nur zu sagen, dass man es glaubt, sondern auch danach zu handeln. Und wenn wir nicht danach handeln, dann glauben wir nicht. Il ne s'agit pas de dire que j'y crois seulement, mais tu dois y vivre. Quand je vous dis de parler en langue, c'est quelque chose de très sérieux. Tu ne dis pas, tu peux pas dire que j'y crois, mais je ne le fais pas. Je ne parle pas à la maison en langue, mais je crois à ce que tu dis. Non, c'est que vous écoutez. Quand je vous dis que c'est quelque chose d'important de parler en langue, vous y croyez et vous y vivez. C'est à la maison que vous partez pour le pratiquer, pour vous exercer. Pray in tongues. Under grace is the greatest way of inviting the Holy Spirit into whatever we do. In fremden Zungen zu beten ist die beste Art und Weise, wie wir den Heiligen Geist in all unsere Angelegenheiten einladen. De parler en langue, c'est une manière, la meilleure manière d'inviter le Saint-Esprit de nous aider à faire tout ce qu'on est en train de faire. And that is the way he helps us in our choice, decision. Our focus to be Christ, help us to take our focus away from the flesh, and now we now see Christ alone. Und so hilft er uns, dass wir unseren Fokus und unsere Entscheidungen in Bezug auf Christus treffen und nur Christus sehen. Et c'est comme ça qu'il nous aide à avoir notre concentration à travers le parler en langue, avoir notre concentration vers Jésus-Christ et de rester vraiment en esprit et à faire des choix surnaturels et en esprit et pas sur la dans la chair. And to help us to understand Christ the way Christ wants us to understand him. Und es hilft uns den Heiligen Geist der Heilige Geist hilft uns Jesus Christus so zu verstehen, wie er möchte, dass wir ihn verstehen. Et c'est comme ça aussi que le Saint-Esprit nous aide aussi à comprendre Jésus-Christ comme lui il veut qu'on puisse le comprendre. Amen. Amen. You cannot get revelation from the Holy Spirit until you submit to the Holy Spirit. Wir können nicht Offenbarung vom Heiligen Geist empfangen, wenn wir nicht alles vom Heiligen Geist akzeptieren. Tu peux pas avoir une révélation du Saint-Esprit si tu n'es pas capable à accepter tous ses dons et tous ses biens. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. The Bible is of the Spirit. Die Bibel ist vom Geist. La Bible est spirituelle. Especially this period that we are. Besonders die Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden. Et surtout maintenant. The last days. And that was the, you know, the last days is the period that we are right now. Let me put it that way. Wir befinden uns momentan in den letzten Tagen. Les derniers jours, c'est la période qu'on est en train de vivre maintenant. There was the days of the Father. Es gab die Zeit des Vaters. Il y a eu le temps du Père. There was the days of the Son. Die Zeit des Sohnes. Il y a eu le Père, le temps du Fils. The days of the Son was 33 and a half years. Just 33 and a half years. 33,5 Jahre war der Sohn, was ging bei der Zeit period of Sohnes. Jesus Christ. Die Zeit von Jesus Christus. Le période de Matthew, Mark, Luke and John. Le période du Père, c'était seulement 33 ans et demi. Et c'était la période du fils, c'était que 33 ans et demi. The New Testament started from Acts of Apostles. And not from Matthew. Und dieses Neue Testament, dieses neue Bündnis fängt dann ab Apostelgeschichte an. Le Nouveau Testament et comment on pour dire le nouveau lien qu'on a eu avec le nouveau période, ça commence à partir de Actes des Apôtres, pas à partir de Matthieu. C'est à partir de Actes des Apôtres quand Jésus-Christ a été déjà crucifié. The most important person on the face of the earth today is the Holy Spirit. Die wichtigste Person auf Erden ist jetzt der Heilige Geist. Et la personne la plus importante aujourd'hui sur terre ici c'est le Saint-Esprit. The true Holy Spirit is more important than all your parents put together. Der wahrhaftige Heilige Geist ist wichtiger als unsere Eltern. Le vrai Saint-Esprit est plus important que tous nos parents ensemble, tous nos descendants, tous nos He is also more important than all the professors put together. Ist auch wichtiger als alle Professoren. Il est aussi plus important que tous les professeurs mis ensemble. Without him, we cannot know the only true God and Jesus Christ. Weil wir ohne ihn den wahrhaftigen, einzig wahrhaftigen Gott Jesus Christus nicht kennen können. Parce que sans le Saint-Esprit, on n'est pas capable à connaître le vrai Jésus-Christ et le vrai Saint-Esprit. Oui, avec le vrai Jésus-Christ. God the Father and God the Son sent him. To complete the purpose of God on earth. Gott der Vater und Gott den Sohn haben ihn geschickt, um den Zweck hier auf Erden, seinen Zweck hier auf Erden zu erfüllen. Deswegen können wir ihn nicht ignorieren. Jésus-Christ le Père lui a envoyé pour compléter tout, pour nous donner tout ce qu'on a besoin ici. C'est pour cela qu'on ne peut pas l'ignorer. God sent him to do and finish the work that needs to be done. Gott hat ihn gesandt, um das Werk zu vollenden, wozu er geschickt wurde. Remember, Jésus-Christ lui a envoyé pour finir le travail qu'il avait encore à accomplir ici. Remember, in John 16, he said, "If I go, I will send him." Johannes 16 lesen wir das, Jesus sagt, wenn ich so that he can finish the work. Schicke ich ihn zu euch, damit er das Werk vollenden kann. Moi, en Jean 16, Jésus-Christ a dit que quand, si je pars, je veux vous envoyer le Saint-Esprit qui va finir le travail qui doit être fait. The most important work on earth is not your job. Your job of the Holy Spirit. Die wichtigste Arbeit hier auf Erden ist nicht deine Arbeit, sondern die Arbeit des Heiligen Geistes. Le travail le plus important ici sur terre, c'est pas ton travail que tu as normal, c'est le travail du Saint-Esprit. The Old Testament is seen as the work of the Father. Das Alte Testament wird als das Werk des Vaters gesehen. L'Ancien Testament est vu comme le travail du Père. The New Testament is seen as the work of the Son. Das Neue Testament wird als das Werk des Sohnes gesehen. Et le Nouveau Testament, on le voit comme les œuvres du Fils. But right now, in our present age, this is the work of the Holy Spirit. It's this. Aber jetzt in dieser Zeit geht es um das Werk belong to him. Des Heiligen Geistes. He is the God of now. Er ist der Gott dieser Zeit jetzt. Ces temps ici, maintenant, nous sommes dans l'œuvre du Saint-Esprit parce que c'est lui qui est en train de régner maintenant. That's why Jesus called the sin against him an unpardonable sin. A sin that it means you cannot be saved without him. Deswegen sagt Jesus, die Sünde gegen ihn ist die unverzeihliche Sünde. Deswegen kann man ohne ihn nicht wiedergeboren sein. Et c'est pour cela Jésus-Christ dit aussi que quand on est en train de on a un péché contre le Saint-Esprit et sur le Saint-Esprit, c'est un péché impardonnable parce que on a besoin de lui pour avoir même notre salut. He is the one now in charge of the earth. Er ist derjenige, der jetzt in Kontrolle ist von der Erde. Et c'est lui le Saint-Esprit qui contrôle la terre aujourd'hui. Amen. Amen. He is the one now in charge of the earth. So we need to know him, learn of him and cooperate with him. Deswegen müssen wir ihn kennen und von ihm lernen. Et c'est pour cela on doit vraiment apprendre à lui connaître et d'apprendre de lui. Praise the Lord. Hallelujah. There's a place we will go to and we go through. Amen. Amen. Go to 1 Corinthians 9. 1 Corinthians 9. Praise the Lord. And we are going to do the meeting here, right here. The meeting is going to be here. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. From 19 to 20. 19 bis 20. 19 à 20. He said, "For though I be free from all men, yet have made myself servant unto all, that I might gain the more. And unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews. To them that are under the law, as under the law, that I may gain them that are under the law. To them that are without law." You know, here we always quote it, and we use it in flesh so much. Wir benutzen diese Stelle sehr oft, aber wir benutzen sie leider am Fleisch. Ce verset ici, en étant toujours en train de le côté, de le dire, mais on l'utilise toujours dans la chair. You know, the flesh love here. Das Fleisch liebt diese Stelle. La chair aime bien ce passage. And because of here, we now see it as something right to celebrate evil with people or to gather with them. Wegen dieser Stelle sorgen wir dafür, dass wir dann halt es als gut sehen, wenn wir halt immer noch das Böse mit den Ungläubigen oder den Ungläubigen feiern und mit ihnen kooperieren. Et à travers ce verset ici, on pense toujours que c'est bien de coopérer, être un avec les gens qui ne veulent pas suivre, se soumettre à Jésus-Christ. The Lord said we here we should go into it in the spirit and not in the flesh. Der hat gesagt, dass wir diese Stelle geistlich betrachten sollen, nicht im Fleisch. L'Éternel a dit que ici en Corinthiens 9 19 à 20 on doit le voir spirituel et pas physique. I will just quickly give you an example. Amen. Mm-hmm. You know there was a lady that was with me that came here to see me. Came to the church and we spoke together. Es gab eine Frau, die hier hingekommen ist und mit mir gesprochen hat. Je vais vous donner un exemple. Il y avait une femme qui était venue ici et elle a parlé avec moi. And this lady, something happened to her years ago. I don't know the exact time. And that very thing made her to be so sad. And this very thing is in the natural world and in the religious world is a big sin. Und diese Sache, die ihr zugestoßen ist, ist etwas Schlimmes, was für in einer religiösen, also religiös gesehen, auch in der Welt gesehen, etwas Schlimmes ist, was einem zustoßen kann. Et la personne, elle m'a dit, ce qui lui est arrivé, c'est la chose qu'elle m'a dit, c'était aussi pour les gens de ce monde, et aussi nous aussi en esprit, c'est quelque chose de grave. C'est une femme qui était mariée. You know, they believe that. Once a married woman sleeps with a man, with somebody else outside the marriage, it's a big sin. But if somebody that is not married sleeps with men or sleeps with man, it's just normal. Weil, that's what they believe. Weil in der religiösen Welt oder in der natürlichen Welt ist für sie auch nicht in Ordnung, wenn man halt in der Ehe ist und dann mit jemand anderes schläft. Aber für sie ist es in Ordnung, wenn man halt nicht verheiratet ist und dann mit Leuten schläft. Das ist okay, weil man dann ja ungebunden ist. Aber wenn man halt in der Ehe ist, ist das halt nicht richtig. Parce que dans ce monde, ils pensent que dès que tu es une femme qui n'est pas mariée et que tu couches avec un avec n'importe qui, c'est pas grave. Mais dès que tu es mariée et que tu couches avec quelqu'un, dans ce monde, ils disent que c'est vraiment très grave. And this lady said this very thing happened to her. Und diese Person hat gesagt, dass ihr das passiert ist in ihrer eigenen Ehe. Et la cette dame, elle a dit que c'est ça qui lui est passé dans son mariage. And I could see how sorry she was. Und ich habe halt erkannt, wie sie das getroffen hat, wie sie das verletzt hat. Et quand j'ai écouté ça, quand elle me disait, je voyais vraiment qu'elle avait mal, qu'elle a trompé son mari, qu'elle n'était pas elle-même, elle était vraiment très triste. Then I looked straight into her eyes and said, I was like you. Und habe ich sie angeguckt und habe ihr gesagt, dass ich so wie du war, dass ich das Gleiche auch getan habe. Et quand elle m'a dit ça, elle pleurait. Et moi, je l'ai regardée à cette femme, je lui ai dit que j'étais une fois comme toi et j'ai fait la même chose. I did the same thing you did. That's your day. Ich habe das Gleiche getan wie du. Aber heute, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Je lui ai dit que j'ai fait la même chose que toi. Lui tromper aussi. Mais maintenant, avant que j'ai Jésus-Christ, je suis une nouvelle créature. Je ne suis plus l'ancienne. You know, this woman just sat down and just cleaned her eyes and it's as if it happened to you. Und als ich diese Person das gesagt habe, war sie auf einmal so wieder ein bisschen nüchtern und war in der Lage, dann mir wieder... Und dann war sie auf einmal wieder nüchtern, hat mir wieder zugehört und konnte dann verstehen, was ich gesagt habe, weil ich habe mich sozusagen ihr gleich gemacht. und konnte sie dann so wieder hellhörig machen für das Evangelium, was halt für alle da ist, egal was du getan hast oder woher du kommst. Donc quand elle m'a dit ça, elle était vraiment très triste, elle pleurait et moi je lui ai dit ne t'inquiète pas, moi aussi ça m'y est passé, ça m'y est arrivé. Et elle m'a regardé, elle a dit oui, toi aussi ça t'est arrivé. Et maman pasteur qui lui a dit oui, ça m'est aussi arrivé, mais maintenant je suis une nouvelle créature, je viens, j'appartiens à Dieu. Et si Dieu a été capable à me rendre pure, à me pardonner, donc toi aussi. Et c'est ça que Dieu veut dire quand il dit que lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux afin de gagner leur âme. Et c'est ça qu'il parle, il dit que tu deviens comme eux, toi-même aussi tu te soumets aussi, tu te mets aussi inférieur pour lui dire que regarde, moi aussi je suis inférieur comme toi. Donc pour dire, c'est ça qu'ils disent quand ils disent que tu es devenu un juif pour me gagner un âme. Tu dis que moi aussi je suis inférieur avec toi, mais j'ai eu la grâce de Dieu. Cette grâce que j'ai eue, toi aussi tu peux avoir cette grâce. Toi aussi tu l'as aujourd'hui pour ne pas te condamner. Toi aussi maintenant tu es capable de retourner aussi pour comprendre la signification de ce passage biblique. Et sur le maman, et c'est pas de partir chez eux à la maison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce verset ici. Moi aussi, je n'avais pas compris ça avant. Ils partent chez eux pour devenir un avec eux, pour les parler. Donc, devenir comme eux en chair et pas en esprit, en fait. Praise the Lord. Hallelujah. You can see, then the Lord now said to me, he said, I can see how I became like this woman so that to bring her to him. He said, this woman belongs to him today. Are you getting it? Er hat dann gesagt, guck mal, so hast du diese Frau zu mir gebracht, indem du zu ihr selbst wurdest und nicht indem du mit ihr Kompromisse eingegangen bist. I did not join her in evil. Mit ihr gefeiert hast, mit ihr verreist bist und sonstiges gemacht hast, alles Fleischliche gemacht hast mit ihr, sondern indem du indem du dir klar gemacht hast, dass ihr beide auf dem gleichen Boden steht, was vor Gott, und dass ihr beide die Gnade Gottes braucht, um errettet zu sein, weil ihr beide ohne mich Sünder seid. L'Éternel m'a dit que tu vois ce que tu as fait, tu t'es humilié toi-même aussi, tu es redescendu à son niveau pour dire que moi aussi, sans l'Éternel, j'ai été aussi quelqu'un qui est une fournisseur, fornicateur. Qui est en train de commettre beaucoup de péchés. Je suis pas mieux que toi sans Jésus-Christ. Mais à travers lui, je suis devenu quelqu'un. Et toi aussi, tu as cette grâce. Donc Dieu lui a rappelé que tu t'es aussi humilié. Hein, même si tu n'as pas fait la même chose charnelle, mais spirituellement, nous tous, on était des fournisseurs. Hein, fournicateurs. Fornicateurs. Fornicateurs, oui. On a aussi trompé Dieu. On l'a aussi crucifié. Nous tous, quand on ne connaissait pas la vérité, quand on n'avait pas sa vie. Mais maintenant qu'on est avec lui, nous sommes maintenant les gens. Donc, c'est comme ça que tu deviens comme eux pour leur sauver leur âme. Et pas quand tu commences à fêter comme eux, à être comme eux. Je pars dans leur fête, je fête avec eux et puis je veux dire Jésus-Christ t'aime. C'est pas ça, de ça qu'ils sont en train de parler. He said it's a matter of time they will come with their problems. Then you become like them. He said it's not you going there and looking for a way, you know, you don't allow the Lord to work. Und er hat gesagt, deswegen ist es eine Frage der Zeit, bis sie auf dich zukommen und dann. It's a matter of time. Submit them to Christ. Und dann sollst du diese Leute Christus übergeben und dich vom Heiligen Geist führen lassen, indem du dann halt zu ihnen wirst, aber auf die Art und Weise, wie ich es dir vorgebe, wie ich es dir erklärt habe und nicht so, wie es dir passt oder wie du daran gewöhnt bist. Quand l'Éternel nous parle, il veut pas nous dire qu'il veut qu'on puisse lui laisser le temps. C'est lui qui va toucher le cœur des gens qui vont venir vers toi et il va te donner l'opportunité à être comme eux pour les emmener vers lui. C'est pas que toi tu le fais dans ta propre force, dans ta propre manière que tu commences à être avec eux. I hope we understand it. Praise the Lord. À t'unir avec eux, voilà. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. It is not by pursuing them every year. Nicht indem wir die Leute we want to make food with them, we want to eat with them, we want to do this, with them. We want to go and play football, we want to go and train, we want to go and do this, we want to go and do und that immer, with them. Immer mehr Zeit mit ihnen verbringen. Nicht so, nicht in diesem Stil. I did not play football with him. Ich war nicht mit ihr zu spielen oder habe irgendwas mit ihr gemacht. She came with something. Sie ist mit etwas gekommen. I became like her. Und ich wurde so wie sie, um sie zu Christus zu bringen. He said that is of the spirit. He said the other one is of the flesh and the prophet knows. Und das ist die geistliche Weise, die geistliche Weise, wie wir zu diesen Leuten werden. Aber die andere Weise, mit diesen Leuten halt dann Zeit zu verbringen und all diese Sachen mit diesen Leuten zu machen, das ist die fleischliche Art und Weise und das wird am Ende des Tages nichts bringen. En fait, on doit comprendre que l'Éternel, comme elle a dit que elle est devenue un avec eux, juif comme eux, parce que en esprit et pas dans la chair. Donc il s'agit pas de partir fêter avec les gens, donc elle s'est répétée en la fin. Praise the Lord. Hallelujah. Any question or testimony, then we close. Amen. So you can stop it short.